Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oui, ah, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Floodcast. Tu prends la tête dans les mains maintenant. Ouais, tu, ah, mais ça, tu connais l'expression péter son crâne? Ouais, ouais. C'est ce que je fais actuellement. T'essayais de contenir ta boîte crânienne pour pas qu'elle pète, j'ai bien compris. Oui, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Floodcast. Comme à l'accoutumée, je suis accompagné d'Adrien Méniel. Adrien, comment vas-tu? C'est une question qui me taraude. Bah, ça va. Top. Ça va bien, franchement ça va. Bon, le mauvais temps, mais sinon bon. Est-ce que tu as calmé, parce qu'il y a eu un commentaire, on a eu un commentaire sur le Apple Podcast récemment. Quelqu'un qui mettait donc un commentaire très gentil et qui a fini. On sent qu'il y a du travail derrière. Adrien a juste une obsession avec le racisme. Alors est-ce que tu as calmé cette obsession que tu as avec le racisme une bonne fois pour toutes? Mais alors toi, comment tu l'as interprété, genre? Le racisme, contre le racisme. Oui, d'accord. Ouais. Mais on peut se poser la question. Mais j'ai pas l'impression d'être raciste dans le. C'est-à-dire que plutôt, je suis quand même plus souvent anti-raciste que raciste quand même. C'est j'ai l'impression. C'est-à-dire que si jamais t'étais raciste, ce que tu n'es pas, je dirais pas que tu es obsédé par le racisme. Ouais. J'adore. Dès que j'ai l'occasion là, un petit racisme. Après le com aurait été encore plus drôle s'il était réellement raciste. Oui. Et si t'étais raciste, tu détesterais qui? Alors. Ah, ça c'est une bonne question. C'est relou ça. C'est relou, ça. Alors, vous avez entendu leur voix. Nos deux invités aujourd'hui sont férus de cinoche et de trucs qui les énervent. Membres de Thèse from the Click, le podcast, l'un est créateur et l'autre bon pote du créateur. Ils animent également le Podchias, où tels deux vieux du Muppet Show, ils s'épanchent sur les trucs qui les saoulent en se gossant, les serveurs charmeurs ou bien les prises au sol. Non, ça c'est moi qui, parce que je me suis énervé avec. Bon, on en parlera dans l'émission. Tous les agaces, c'est Jean-Baptiste et Mehdi de Thèse from the Click. Oh, oui. Merci pour l'invitation. Applaudissez-vous, je vous en supplie. Sinon c'est vide. Voilà. Bah oui. C'est vrai que c'est le problème quand tu fais introduis les deux en même temps. Ils osent pas s'applaudir. Personne n'applaudit. Bah ouais, ils osent pas s'applaudir. Comment allez-vous les gars? Très bien. Écoute, très bien. Ça va très très bien et je suis ravi d'être là avec Mehdi aujourd'hui. Mais bien sûr. Deux très beaux binômes autour de cette table. C'est vrai. On a deux duos. C'est deux duos et aussi je me suis dit t'es le petit genou toi. Ah, je suis un peu le genou là. C'est vrai qu'il y a beaucoup. Parce que là on est toi t'as Quadra aussi. Mehdi. Bien sûr. Voilà. Donc, trois quadras et. Quadra. Ça, c'est relou, ça. Non, je sais pas comment. Quadragénaire, ouais. Trois quadras. Et moi, un trentenaire. Ouais. Trois quadras et un trentenaire, un porno pas dingue. Ah, moi, j'allais dire une comédie française. Moi, j'adore le cul, pardon, excusez-moi. Hein. En fait, par pure jalousie, j'ai hâte que Flo ait 40 ans. Mais ça veut dire que moi j'aurai 50, quoi. C'est dégueulasse dans 7 ans. Ouais, c'est dégueulasse dans 7 ans, ça. Malheureusement. Et il aura une immense carrière là où moi je serai une merde. Arrête, Adrien. Si tu calmais cette obsession avec le racisme que tu as, tu n'en serais pas là. C'est peut-être pas faux. Oui, enfin. Et qui combine le mieux entre les deux binômes? Qui quoi? Ah, mais non, mais combine, qui combine le mieux? Vous êtes c'est une combinaison pour les gens qui ne vous connaissent pas. C'est une combinaison de plusieurs décennies. Ah, de plus de 30 ans maintenant avec Mehdi. C'est ça. Vous êtes rencontrés à quel âge? 16 ans. Ah ouais. Oh waouh. On était en 5ème. On a quel âge en 5ème? En 5 ans, non, c'est plus là, 14 ans. On avait 14 ans. Ouais. On s'était prêté des cassettes de foot, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Oh, joli! Ouais. Des VHS, du coup. Des VHS, ouais. VHS, ouais. Alors que quand Adrien a eu 13 ans, je suis né, moi. Donc, du coup, c'est forcément, on avait moins de. Ben non, mais voilà, on a moins de. Non, mais on a quand même. J'ai 13 ans. Ah ouais? Non, t'as quel âge là? Non, j'ai 33, donc on a 10 ans d'écart. Ouais, un peu plus. Non, mais ça veut dire que. Quand Adrien avait 20 ans, toi t'avais 10 ans, vous auriez pas pu être pote à ce moment-là. Ah, ça aurait été compliqué. Non, non, non, 20 ans, 10 ans, c'est un délire. C'est une sale ambiance. Très très bizarre. Ouais, c'est ça. Et t'es pote avec Adrien parce que t'aimes bien traîner avec les grands, c'est ça? Non, écoutez. Bah, il m'a fait fumer. Alors, il m'a montré comment on crapote pas. Donc, moi j'ai adoré. Bah, c'est une vieille âme, c'est pour ça. Moi je suis une vieille âme et lui il est jeune dans sa tête. Moi je suis Will.i.am. Chers amis, comme à l'accoutumée, on va faire le jeu du Floodcast. Donc, je vais vous poser des questions sur l'actualité. Un vol Transavia Airlines qui rejoignait Dubaï et Amsterdam a dû atterrir en urgence, à votre avis. Pour quelle raison? Alors, Mehdi, je ne sais pas si tu connais l'émission, mais en gros, tu peux poser des questions pour avoir quelques indices. Est-ce que c'est encore quelqu'un qui a chié une histoire dans ce genre? Alors, c'est dans le genre, mais ce n'est pas chié. Dégueulé. Pas dégueulé. Je crois que j'ai l'info, mais si j'ai l'info, est-ce que ça casse l'ambiance? Tu peux y aller. Il n'y avait pas une souris dans l'avion? Oh, des serpents dans l'avion, ouais. Tu confonds. Il y avait une souris, mais elle a été mangée par les serpents. Non, il n'y avait pas de souris dans l'avion. Ok. Vraiment, faire atterrir un avion pour une souris, je serais un peu saoulé. Oh, ça peut créer la panique à l'intérieur. Ouais, bah, bon, vous attrapez la petite souris, vous la mettez dans un petit Tupperware, vous faites des trous dans le couvercle. Oh, bah alors. Je sais pas, quoi. T'as pas peur des souris, toi? Non. Ok. Non, t'as un animal qui te fait peur? C'est une très bonne question. Outre. L'homme. L'homme, bien sûr. Non, je suis pas serein avec les chats. Outre c'est le fait vrai. Que je suis allergique. Il y a un côté genre, je les trouve imprévisibles en fait. C'est d'un coup, tu sens qu'ils peuvent te planter les griffes dans la cuisse et tout là. Oh là, là. Mehdi Valide. Mehdi Valide qui est ton podcast. Le youtubeur Mehdi Valide. Tu fais des vidéos react où tu hoches la tête comme ça. Vraiment des gens dont c'est l'activité. Faites attention, je vais être très fort à ce jeu-là parce que dans les grosses têtes, je suis déjà très très fort. Ah oui. Et comme là, c'est la même chose. Mais c'est la même chose. Terrible d'annoncer qu'on va être très fort à un jeu. Attention. Non, mais Mehdi dit ça parce que hier, je vais expliquer le concept du floodcast. Mehdi, c'est un peu les grosses têtes pour les jeunes. Totalement. C'est complètement les grosses têtes pour les jeunes. De moins en moins, hein, je pense. Mehdi, une imitation de Bouvard, s'il te plaît. Ah. C'est un grand oui. Vous êtes tout à fait dans l'ambiance. Moi, il y a pas longtemps, on m'a dit le floodcast, j'aime bien parce que c'est les grossettes avec des gens moins horribles. Et j'ai dit moins horrible, pas horrible, moins. Mais dis un animal qui t'angoisse, qui te met pas bien. Moi, j'aime beaucoup T'aimes les animaux. Animaux, putain. Donc là, je te mets avec un serpent. Ouais, mais moi aussi, j'adore les animaux. Mais des fois, il y en a qui me stressent, quoi. Les chats, tu vois, il y a un truc où, je sais pas. J'ai vu tellement de vidéos où, tu sais, les chats, genre, ils se frottent à la jambe et tout. Et d'un coup, ils chopent la jambe, là. Oh là là. Mais t'aimes pas ça, hein. Qu'est-ce qui leur passe par la tête, quoi. Les moustiques, tu les tues ou tu laisses la liberté de piquer? Les moustiques, les moucherons. Ça dégage. Ah, moucheron, t'es dur. Bah, l'été là, moi j'ai des invasions de mouches de fruits là. Ouais. Je peux te dire que. Les moustiques, les moucherons, les chèvres, tu m'as dit aussi. Ouais. Et les chevaux, c'était pas Nagui, c'était moi. Je tiens à le dire. Et JB, toi, petit animal? Moi j'ai la phobie des frelons et des guêpes. Ah oui, c'est vrai, je l'ai c'est vu. C'est vrai. Vraiment phobie. Ouais, vraiment phobie. Ouais, c'est insupportable. Je l'ai vu se lever table et courir. Attends, tu dis que c'est insupportable apparemment. Ouais, c'est insupportable parce qu'il te met un coup de stress. Toi, t'es tranquille, tout d'un coup, tu le vois faire le tour de la table. C'est une phobie, je comprends. C'est terrible. Mais en même temps, bon, c'est un peu justifié. Tu vois, les gens qui disent j'ai la phobie des guêpes, tu dis bah oui, mais en même temps. Attendez, vous connaissez ce fameux influenceur guêpe sur YouTube? Qui s'appelle Étienne. Non mais si. Étienne Guêpe. Étienne Guêpe. Non, il y a un mec qui a un compte YouTube fascinant où en gros il va chasser des ruches, enfin des. Ah oui. D'accord, oui, je crois. Et il est. Je visualisais pas du tout. Figurez-vous qu'il a été invité sur Popcorn. J'ai vu ça sur Twitter. Ok. Donc c'est devenu une vraie star des guêpes. Et il a dit un truc qui est terrifiant. Il a dit si un frelon asiatique vous pique par malchance à la jugulaire, vous mourrez. Ah bah oui, aïe. La jugulaire c'est oui tout. Peut-être tout. Faux. Donc Mehdi, en vrai peut-être faux. On révise un peu le insupportable, c'est une vraie phobie. Juste rappelle, la jugulaire c'est où? C'est au niveau du cou. Ah ouais. Ouais. Et moi je pose la question à Flo quand même, ton animal. Écoute, non moi ouais. En fait moi c'est ce que je disais, je n'aime pas être surpris. Donc en fait si tu me dis non mais en si, gros genre tu rentres chez toi il y a un anniversaire surprise de gnou, tu fais non mais les gars. Voilà, je suis terrifié. Voilà. Non mais parce que je pensais avoir peur des serpents. Et une fois, on m'a proposé de voir des serpents et même m'en mettre sur moi et tout, et j'ai pas du tout eu peur. C'était vraiment là. J'avais des relents de quand après, j'étais dans le jardin de mes parents et qu'il y avait un serpent qui se faufilait entre mes jambes. Après, c'était ceux en plastique de Disney là. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais tu sais, les couleuvres qui sont des. Pas qui sont. Comment dire. Pas du tout. Merde, venimeuses. Les gnous et les couleuvres. Les gnous et les couleuvres, oh. C'était pas. Je précise, c'est, on n'a pas prévu cette vanne. On dirait vraiment. Je dirais les gnous et après tu dirais les couleurs. Mais c'est très gros. C'est juste c'est comme génie. Les orvets, c'est des trucs énormes. Et donc voilà, donc ça je croyais que c'était la mais ça me fait pas peur. Donc j'aime pas être surpris. Toi, l'araignée. Il y a eu une histoire terrible d'araignée. Est tombée dans la purée. Non, mais vous l'avez ça. Il était chez moi, pas du tout. Oui, non, parce qu'on l'avait raconté dans le podcast. Je parle au quadragénaire, moi. Non, parce que j'étais en Bourgogne chez Flo, et tu sais, là-bas, il y a des serpents où il vit. Ouais, j'ai pas eu la chance d'en croiser. Il y a des serpents, des araignées énormes. Il y en avait une dans une chambre un soir. Bon, voilà, je l'ai mis. Une araignée ? Mais j'ai pas eu si peur. Non, mais. Ah, mais c'est toi qui as tapé sur le mur comme un fou, c'est ça ? Oui. Ah, oui, voilà. Je suis descendu, genre, qu'est-ce qu'il fait ? T'as une histoire incroyable avec les araignées. J'ai une histoire incroyable avec les araignées, est-ce que vous voulez l'entendre ? Ah, bah bien sûr. C'est une anecdote ? Non, franchement, ça vaut le détour. Ça vaut le détour. Il y aura un avant et un après. Tu vois la petite corde autour de ma taille, c'est parce que je suis pendu à tes lèvres. Voilà, non, mais bien sûr. Je me trouve au Sénégal en 1997. Et était organisée comme ça une soirée dans une brousse locale où on pouvait manger avec les gens, etc. Mais vraiment très très éloigné de la ville. Donc je me trouve là-bas, je mange. Très néocolonialiste pour l'instant. les mots utilisés sont quand même. Ouais, j'ai vu Mehdi rire dans sa barbe. Le mot brousse locale. Excusez-moi, je suis encore une fois obsédé par le racisme. Désolé. Tu vois, désolé. Tu peux calmer cette obsession un petit peu, c'est vrai. Pardon, j'essaye. Nous mangeons de la semoule. Tout se passe très bien et j'adore être là-bas. On dirait un ASMR raciste. Mangeons de la semoule. On écoute la Zoubida. Et le scooter Mokhtar l'avait volé. Vroom, vroom. Au loin, un bouclier Maasai. Donc, je mange cette semoule, on rentre à l'hôtel le lendemain, et puis je me réveille, et puis vous savez, quand vous vous réveillez, vous avez un peu la vue nébuleuse, vous voyez un peu flou. Oui. Bien sûr, bien sûr. Et donc, je regarde mon bras, et j'ai l'impression que j'ai de la semoule sur mon bras, donc j'essaie de l'enlever comme ça, et finalement, j'arrive pas à l'enlever. Et il s'avère que ce n'est pas de la semoule, mais c'est une cloque en relief, assez grosse, transparente. Oh non, non, non. Et je fais, c'est quoi ce délire? Et en fait, je regarde à l'intérieur de la cloque, et ça grouille de petites araignées. Oh le salaud! Ça grouille de petites araignées. Oh le salaud! Trigger warning du coup, après coup, hélas. Et là, à ce moment-là, je sais plus, oui, je dois avoir 13-14 ans et je suis en stress, j'appelle ma mère, qu'est-ce qui se passe, etc. Et là, on va voir le type de l'hôtel qui fait, il faut l'emmener à l'hôpital, à Dakar et tout machin pour ouvrir, quoi, parce que sinon ça peut s'infester et tout ça. Ouais, et bon, bref. Et donc, ils m'ont ouvert ça avec tout le pus et les petites araignées qui sortaient. Sympa. Et j'ai encore une cicatrice. Il y a la preuve. Il y a la preuve. Et donc j'ai été enfanté par une araignée. C'est l'info que je vous donne. C'est vermine pour moi. Oui, c'est ça. C'est incroyable. Donc c'est pour ça que j'ai pas eu peur pour vermine. Tu comprends? Oui, voilà. C'est vu qu'il y a un hôpital à Dakar et puis voilà. Alors ça ne nous dit pas. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce vol Transavia Airlines? Il y a eu un accident corporel. Non. Redonne-moi la compagnie aérienne. Transavia Airlines. Genre non, mais là, ça aussi c'était un peu raciste pour moi, mais bon. Genre il Johnny Mnemonique, quoi. Il a tous les articles en tête. Attends, Transavia, ok, c'est bon. Dans la base de données, je l'ai. Il a vu qu'il y avait JB Medi, il a dit oh là, je peux caler une petite ref à Johnny Mnemonique que j'aurais pas. Figure-toi que je la casse souvent. Je te l'avais. T'es témoin que je la cale souvent. Est-ce qu'il y a une baston au sein de l'avion? Alors ça a fini en baston, mais j'aimerais qu'on me dise la quelqu'un a pété. C'est tout à fait la bonne réponse. Alors, quelqu'un n'a pas simplement pété. Il a pété sur quelqu'un? Non, il a pété à répétition. Oui, bien sûr. Mais après, c'est l'avion en même temps. Oui, c'est ça. Vous connaissez la légende sur les avions, c'est qu'on a le droit de péter parce que on l'entend pas. Et ça sent pas d'ailleurs. Ça sent un peu. Ah bon, ça sent. Ah d'accord. Deux passagers néerlandais ont eu du mal à accepter les flatulences à répétition de leurs voisins à tel point qu'une bagarre s'en est suivie. L'homme peu respectueux a refusé d'arrêter lorsque ses voisins le lui ont demandé. Refusé d'arrêter. Vous pouvez arrêter de péter? Non. Alors là, mon pote. On pète pas devant des néerlandais. Oui, ça c'est vrai. On peut le noter. Mais attends, oui, ça veut dire. D'accord. Mais comment il savait que c'était lui, c'est ça que je comprends pas. Ah bah je pense que... Ils l'ont repéré. Cela dit, il avait l'air d'avoir un certain aplomb. Oui, peut-être qu'il lui a dit, excusez-moi, c'est vous qui pétez? Il a fait, oui. Vous pouvez arrêter? Non. Jamais de la vie. Moi vivant. Plutôt mourir. J'ai une question qui va peut-être vous étonner, vous choquer. Mais qui a déjà eu ce fantasme de le faire dans les toilettes de l'avion? Pas péter, hein, faire l'amour. Faire l'amour. On en a parlé, le Mile High Club. Et pas du tout, au contraire. Ouais, non, c'est vrai, moi pas. C'est chiant en fait, t'as pas envie de ça. Chiotte, piscine, même piscine, moi ça me dégoûte. À la limite, pour tuer un peu le temps. Mais grand max, quoi, tu vois. Mais dis-toi qui est. J'essaie d'analyser pourquoi il a pété le mec. C'est toute la bouffe dans les avions qui est dégueulasse. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Les deux autres ils ont pas pété donc. Ouais, ils ont peut-être pas mangé la même chose. Non, mais là on gratte. Ton enquête piétine. On est en train. T'as pas on de la traconte. D'ailleurs, t'as pas réagi, je t'ai envoyé une vidéo. On de la traconte, c'est vidéo maintenant aussi. C'est-à-dire que sur Canal, il y a des. Ils filment On de la traconte, le podcast où ils racontent. Donc on le voit faire ses persos et tout. Donc la lumière change, il y a un écran géant derrière lui où il est dans un décor et il fait les persos et on a son visuel. Ok. Bah ça rajoute un petit truc. J'ai zappé, j'avoue. Est-ce que tu me permets de poser une question à Adrien? Vas-y. Parce qu'Adrien est un aficionado des meurtres, manifestement. Enfin, attention. Non, c'est raciste. C'est-à-dire qu'il y a d'abord le racisme et en dessous, effectivement, il y a les meurtres. Non, de toutes les émissions que t'as écoutées, quelle est l'histoire qui t'a le plus terrifié? Sans nous la raconter, hein, mais juste oui, le nom. Oui, juste, voilà. Je sais pas, est-ce qu'on en a parlé? Oui, on en a parlé, je crois, un peu la dernière fois, mais c'est pas grave. Il y a une série documentaire qui s'appelle The Jinx. Je sais pas si vous avez vu. Ah oui, je l'ai vu, c'est incroyable. Voilà, et j'en ai vu beaucoup des trucs true crime et tout. Et c'est vraiment le seul où j'avais vraiment une boule au ventre de genre, putain, le mec est glaçant, terrifiant, quoi. Merci pour ta réponse sincère. Et il y a une saison 2, du coup, j'ai appris de The Jinx. Et oui. Un américain? Ouais, un américain. Ils sont plus forts dans les meurtres et tout ça. Ah, ça arrivera dans 10 ans en France. Ouais. Ça arrivera dans 10 ans en France. Pour vous dire, le pilote a été forcé d'atterrir en urgence, hein, parce que le personnel de bord n'a pas voulu s'en mêler. Une fois l'avion posé en Autriche, la police est montée à bord et a procédé à l'arrestation de 4 personnes, dont 2 sœurs. Celles-ci portent plainte contre la compagnie aérienne. Ah, c'est 2 meufs! Ouais, estimant avoir été arrêtées sans raison valable. Nous n'avons rien à voir avec cet incident, nous avons juste eu la malchance de les trouver dans la même rangée que ces hommes. Non, c'est des mecs. Non, d'accord. Et il y avait ces 2 meufs qui ont été sorties aussi, alors qu'elles ont juste dû dire Arrêtez de vous battre pour un prout, c'est trop con. Hein. Il y avait une histoire terrifiante au Brésil il y a un an. Il y a une meuf, parce que vous savez, péter, c'est pas beau gosse. On va pas se mentir. Non, mais péter, c'est pas beau gosse. Non, ah ouais, c'est pas beau gosse. Ok, ok, ok. Je sais que l'alcool, c'est de l'eau, mais c'est, ouais, vrai, c'est pas beau gosse. C'est la, c'est le... ouais. Sous-entend qu'il faudrait que je l'efface de ma bio Tinder. Ok, d'accord. Non, mais trop. Mon routeur cherche. Non, mais je note. Cherche une petite go. En tout cas, vous en avez conscience. Et donc, une meuf avait fait exprès de ne pas péter pendant toute une journée. Elle en est morte. Bah, ça peut être. Si, si, si, c'est l'info que je donne. C'est officiel. Ça sort d'où, ça? Ça sort de Yahoo. Ouais, voilà. Je me demande si mon frère a pas fait une vidéo là-dessus. Donc, possible que. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais là, comme la combustion spontanée, c'est ridicule. Non, mais non, ça c'est pas pareil quand même, Florent. On est en train de la Florent. Ça n'existe pas. C'est comme la Terre ronde, arrêtez de vous. C'est comme le Rapture. Non, mais tu peux avoir des occlusions intestinales, des trucs comme ça, peut-être. Des espèces de. Je sais pas, peut-être qu'elle a. Oui, c'est peut-être. Elle est morte. Elle est morte. Mais de quoi? T'as pas la raison de la mort, quoi. Elle a pas pété. Ouais. Qu'est-ce que le médecin a dit ça à la famille? Une abrutie. Elle n'a pas abrutie sévère. Elle n'a pas pété. Et elle en est morte. Et je parle pas de la ville en Polynésie française. Lors d'un discours, Donald Trump a proposé une loi inspirée d'un célèbre film. Oh, à votre avis, lequel? Alors putain, oh, c'est une bonne question ça. Ouais. Ça me régale. Ouais. Un célèbre film. Il est pas allé chercher dans les années 80. Hunger Games, comme ça. Alors pas Hunger Games, t'as dit quoi? La Purge. Bien joué. Allez, bon. T'étais pas loin, cela dit. T'étais pas loin, t'étais pas loin. Non, j'attendais à ce que vous proposiez Maman, j'ai raté l'avion ou des choses comme ça. Mais non, il s'agit effectivement de The Purge, American Nightmare en français. L'ex-président des États-Unis a nouveau lancé dans la course à la Maison Blanche. Dis-moi. Non, non, parce que ça me lance. Parce que en gros, je suis tombé sur une vidéo une énième vidéo de chasse à courre. Vous voyez ce que c'est, la chasse à courre? Et donc, à chaque fois, les mecs vont traquer les bêtes, genre dans les villes, dans les jardins des gens. Enfin, c'est. La chasse à courre, c'est pas genre, ils jettent les animaux. Enfin, Non, non, la chasse à courre, c'est les gens qui sont. Ils ont leur chien, ils sont à cheval. Ah. Et ils chassent, mais sauf que souvent, bah, les animaux qui sont chassés, qui sont effrayés, fuient la forêt, se retrouvent en ville, ils se retrouvent dans les jardins. D'accord, des gens. Okay. Et les mecs viennent les buter, genre. Je parlais que la chasse à courre, c'était ceux qui lâchaient carrément, tu sais, des lapins eux-mêmes dans la forêt. Ah, et... bah, possible qu'ils le fassent aussi, mais chasse à courre, c'est vraiment c'est ça, okay, les trucs de. Enfin, genre les bourgeois en rouge, bien là, sûr, machin, avec une trompette. Ouais, et voilà, c'est ça. J'en fais un peu. Non, et à chaque fois c'est horrible parce qu'il y a tout le temps des vidéos des riverains qui disent, qui essaient de leur dire, bah, laissez les animaux tranquilles, et eux ils se font insulter. Enfin, c'est des, bon, j'aime pas les chasseurs, voilà. Il y a pas que le racisme. Racisme, meurtre, chasse, ok. Et moi, si j'étais président, je me suis dit, je ferais une loi, j'autorise la chasse à courre, mais on a le droit de chasser les chasseurs aussi, quoi. Ah oui, de tirer sur les chasseurs. On a le droit de les tuer. Joli. Donc du coup, du coup, les mecs qui font de la chasse à courre, il y a un côté, ok, respect, parce que tu risques ta vie quand même. Ouais. Eux, ils ont pas le droit de tuer, genre, par contre. Mais t'es Trump, en fait. Ouais, non, mais moi je me dis, ok, vous avez le droit de faire de la chasse à courre, mais un riverain qui a un flingue, il vous voit passer, il a le droit de vous tirer dessus, quoi. J'ai dit qu'il adorait les meurtres tout à l'heure. Un avis sur la tauromachie? Oh bah. Ouais, je pense qu'on est tous d'accord. Non, peut-être JB, il adore ça, peut-être. Pardon? Non, j'essaie de lancer une réputation. Non, bah c'est. Oui, bon, là, la tauromachie, je comprends. On comprend même pas que c'est. Les taurins adorent. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, mais je vois très bien. Non, c'est le. Comment il s'appelle? Ça commence à disparaître petit à petit. Ouais, genre, mais enfin, le nouveau ministre de l'Intérieur a voté pour. Genre, quand ça voulait être interdit, il a dit non, continue. Un floodcast très sérieux. Ah, ouais, non, mais on est perne. Vous êtes pied-doigt pris gauche. Ah, non, mais nous, et puis là, on parle de prout, alors on a envie de se. On est un peu plus sérieux. On est encadré, ouais. Et donc, non, mais la purge. Parce qu'il y a une sorte de. Une sorte de. Donc, oui, à la Maison Blanche, il a fait plusieurs reprises allusion d'une heure ou d'une journée à la violence exacerbée qui permettrait de lutter contre la criminalité. Trump a dit une heure difficile, et je veux dire vraiment dure, la nouvelle se répandra et ça s'arrêtera immédiatement. Genre, on autorise le meurtre et les crimes pendant une heure ou une journée. Ouais, donc je suis vraiment Trump, en fait. Ouais, et après, on arrête. Donc, évidemment, ces propos ont été très rapidement mis en parallèle avec le scénario de la série des films American Nightmare. Donc, c'est ça, l'histoire de ces films-là. Oui, bien sûr. Une invasion dystopique des États-Unis où il est organisé chaque année une purge nocturne de 12 heures au cours duquel tous les crimes et délits sont autorisés. Donc, ouais, dans les films, le but de cette nuit, durant laquelle tous les services de police et de soins sont mis à l'arrêt, est de réduire la criminalité en la restreignant à un espace limité où peuvent s'exprimer les instincts les plus sombres. Et lui, Trump, il a dit c'est ça qu'il faut pour ce pays. Mais en gros, lui, il disait. Comme les gens flipperaient, il y aurait pas de meurtre. C'est ça qu'il dit. C'est préventif, quoi. C'est pas vraiment le terme, mais. Mais c'est vraiment le scénario du film. Hein. Le film, c'est ça. Hein. C'est de dire, on fait une journée vénère et comme ça, après, les gens, ils arrêteraient parce qu'ils. Oui, mais ils s'entretuent quand même. C'est un peu ça l'idée aussi. Oui, c'est ça. Ils s'entretuent, donc il y a moins de criminels parce qu'ils se sont entretués. Devant les très nombreuses réactions déclenchées par les propos du candidat républicain, son équipe s'est défendue, assurant que Trump était clairement en train de faire une blague. Oui. L'excuse du tweetos de base, c'était du second degré, en fait. C'est une blague. À Olay, en Meurthe-et-Moselle, une consultation lancée à l'initiative de la mairie. On parle à tauromachie. Olay. Oh. Oh. Oh. Avec leur cigare là. Oh. Non mais c'est pour ça qu'on est venu pour apprécier ce genre. Conserve-moi un Lipton. En train de siroter un bon vin là. Du pur méniel. Comme ça. Mm. Donc oui, en Meurthe-et-Moselle, une consultation lancée à l'initiative de la mairie doit s'achever le 15 octobre pour mettre un terme à une situation atypique qui concerne les villageois, à votre avis. Merde, j'ai pas écouté le début. Désolé, j'étais en train de me gargariser des compliments qu'on m'a fait. Mais je vais dire un truc, j'étais encore. Mais en fait, j'ai senti qu'il y a ton regard sur moi et je me disais, putain, il est en train de me complimenter du en regard. En fait, c'est comme quand tu bois un vin, tu l'as encore un peu en bouche et là, bon, faut qu'il le crache avant de. Il y a des tanins dans le verre. Bien sûr. Donc, dans un petit village qui s'appelle Olay, en Meurthe-et-Moselle, une consultation a lancé à l'initiative de la mairie. Donc c'est la mairie qui a lancé ce truc-là, qui a dit vraiment il faut mettre un terme à cette situation, une situation atypique qui concerne tous les villageois du village de Olay. Et à votre avis, quelle est cette situation atypique? Combien de personnes dans ce village? Attends, est-ce que c'est 680? Est-ce que il y a on est sur un gros village. Est-ce qu'il y a deux gentilés différents? Alors, le nom des habitants, t'es. Tu t'approches. Ça concerne les gentilés. Et là, on vous a appris un mot, gentilé. Vous l'aviez ou pas? Le mot gentilé. Donc c'est des gentilés. Mais non. En fait le gentilé, tu vois, genre le gentilé de Paris, c'est parisien, parisienne. C'est le nom des habitants. C'est le nom. Okay. Non mais là vous avez appris un mot. Non mais il est fort. Et donc tu dis que quoi? Non, moi je pensais qu'en fait il y avait deux gentilés dans la même ville, tu vois, que mais ils tu s'appelaient les Oléviens et les Oléions, quoi, tu vois. Voilà. Peau de lapin. Les cafés. Ah non, café Olay. Olay. Ouais. Donc on les appelle les Olay. Mais dis, je t'offre un cigare. Là, il veut juste le sortir pour l'instant. Il est pas sous son nez là. Non, Olay, c'est la ville. Hmm. Et mais donc, c'est un rapport avec le gentilé. Excusez-moi. Je te sens pas séduit par cette question. J'y vais. Je te sens. Non, parce que en fait, je me sens terriblement idiot de pas connaître le mot gentilé. Je me sens dépassé. Ça t'a mis un coup. Oui. Là, je te vois avec un gros bonnet d'âne. Oui, non, mais ça me rappelle des sombres heures à l'école. Ce qui est troublant, c'est que dans ce type de village, je trouve les trucs à la con, quoi. Et là, bien je sûr. Me dis, quel est le truc à la con? Mais donc, ça concerne le gentilé. Ça concerne le gentilé. Est-ce que c'est genre, il est horrible, il s'appelle les gros pépères? Non. Wow, là, c'est horrible. Ouais. Non, mais écoute, c'est un truc, c'est un peu insultant. Je vais te l'accorder. C'est pas exactement ça, mais franchement, tu y es. Bah, attends. Non, mais tu vas voir, tu vas dire, oui, bro, c'est ce que j'ai dit. Ils n'ont pas de gentilé. Du coup, on leur donne un surnom qui vient du Moyen-Âge, qui est les culs brûlés. Ah oui! Rien à voir avec Olay. Oui. Et oui, les 680 habitants de la petite ville d'Olay, en Meurthe-et-Moselle, vont peut-être bientôt pouvoir porter un nouveau nom et se débarrasser du surnom plutôt compliqué à porter, dont ils sont affublés depuis des siècles. Car à Olay, les administrés n'ont pas de gentilé, ce nom d'habitant qui existe dans pratiquement toutes les communes. Donc effectivement. Mais attends, mais c'est très simple, tu les appelles les Olésiens, puis voilà. Bah, c'est pour réfléchir en fait. Ah, mais ça doit être voté. C'est pas... ah, toi, tu crois que tu peux choisir comme ça? Bah ouais, je pensais. Eh bah, tu peux pas, mon pote. Les là, y a des lois. Ça va être officiel. Et c'est pas encore officiel alors. Crois-moi qu'on continuera à les appeler les culs brûlés, parce que les gens ont l'habitude. Donc bah c'est trop tard. Ça fait plus de 1000 ans qu'on les surnomme les culs brûlés. Mais par contre, vous m'apprenez un truc, c'est que dans certaines villes en France, il n'y a pas de gentilé. Non, sur des petits villages ou des trucs comme c'est ça. Incroyable, dans les ça, grandes quoi. Villes ou les petits villages. Oui, bah, oui évidemment. Ouais, non, pas la non, mais moi je suis un cancre là. Non, mais c'est Rémi sans famille. Dans les grandes villes ou les petits villages. Ah, vous l'avez pas. Merde, si, moi je quand même. Mais je détestais ce dessin animé. Ouais, cafard, très cafard. Mais c'est pas celui-là qui finit très très mal, je crois qu'il meurt à la fin. Je crois que tout le monde meurt. Ouais. Oui, c'est ça. Tout le monde meurt. Mais en même temps, c'est la meurt, vie. Hein. Tout le monde meurt. Dedans. Je crois qu'il y a un délire comme ça. En tout cas. Ça, c'est la fin de la série Dinosaure aussi. Je sais pas si vous vous souvenez de cette série. C'était avec des marionnettes qui jouaient des dinosaures. La famille Dinosaure. La famille Dinosaure. Ah oui, le dernier. Il y a un astéroïde et il meurt. Le dernier épisode, c'est qu'il y a un astéroïde. Et t'as vraiment un plan sur le petit bébé, parce qu'il y avait un petit bébé. Il était trop mignon. Et bah, il meurt. Dead, tout le monde meurt. Mais après, c'était un très bon dernier épisode. Ah bah oui, mais pour moi, c'est la fin de Les Sopranos. Oui, voilà. Non, attends, j'ai pas vu Les Sopranos. Bah, il y a un astéroïde. C'est ça, non, bah, pardon. Ouais. Non, mais en vrai, c'est. Bon, tu verras, mais je t'ai pas spoilé du tout. Je suis une petite reco là, comme ça. Alors, c'est pas la fin, mais quand même, je le dis. La série Le Pingouin, très très bien. Ah. Si vous aimez les trucs de mafieux et tout, ils ont fait une série adaptée de Batman. Ah ouais. C'est Colin Farrell qui joue le Pingouin. Ah, faut que je m'y mette. Et bah, franchement, même si vous avez pas aimé le film Batman de Matt Reeves, machin, c'est trop bien parce que c'est vraiment un vrai film de mafieux. Et alors, attention, parce que lui, il aime pas les séries, Florent. Donc, j'aime il pas en les séries. Une, moi, si tu mets Batman, je suis un peu tenté. Ouais. Tu sais, le truc ridicule que j'ai fait, JB, il sait, je l'ai dit. Après, j'ai une anecdote liée à Olay. Alors, non, c'est fini, ça. Est-ce que vous voulez savoir le dimanche soir de déglingo que j'ai passé ce week-end? Oui. J'ai regardé sur Warner Bros Next, donc pas Max ou machin, vraiment la petite chaîne Warner, un petit documentaire d'1h30 sur la Batmobile. Bah, c'est okay, oh, je me suis régalé. Moi, je peux comprendre. Pas sur Batman, que la Batmobile. Mais moi ça m'intéresse, c'est de la tech. C'est de la tech. Il détaille un peu la tech de la Batmobile. Il détaille l'histoire, les différentes incursions, parce que tu vois, chaque Batman a sa Batmobile. Non, ça me plaît beaucoup, moi. J'ai été pendu. C'est ce que je préfère chez Batman, c'est les gadgets. Bah oui, bah voilà, bah écoute, je t'enverrai le lien. Je rappelle que je suis Batman. Hein. Bah c'est vrai que t'es Batman. Parce que moi, au moment, j'en regardais un. Adore les gadgets. Sort pas de chez lui, je sais vraiment. Adrien et le Batman. Là, au même moment, je regardais un documentaire sur Armie Hammer, le cannibale, pas la même ambiance. Ah oui, ça l'ambiance. J'arrive pas à le trouver. Mais Armie Hammer qui devait jouer Batman dans Justice League. Non mais ah ouais, tout se recoule en disant on est dans le cinoche, on est avec les Tales from the Click. Mais bien sûr. Vous êtes les Tales from the Click maintenant. J'ai décidé ça. Merci. Voilà, merci. Ouais, parce que moi, il met du temps à me donner le. J'ai été invité pendant 8 ans. Il a été invité du podcast pendant 8 ans. Vous êtes dans la même team. Donc pour revenir à Olay, effectivement, un surnom plutôt difficile à porter. Une absence à laquelle la MSPT a décidé de s'attaquer, comme l'explique le maire à France 3. Cela dure depuis au moins 1000 ans. On s'est passé de nom depuis au moins un millénaire. Enfant. Au moins 1000 ans. 1000 ans. T'inventes. Des siècles. Et on pourra continuer comme ça, mais faire participer l'ensemble des habitants sur ce projet, c'est aussi l'expression d'une démocratie citoyenne. Alors, premièrement, petit truc, un peu long, 1000 ans pour se dire, peut-être on va trouver un gentilé, peut-être. 1000 ans, il a eu, pour avoir cette idée. Et non, et en gros, une anecdote un peu tabzienne. Ah. Non, en gros, un jour, j'étais, je me promenais au Butte-Chaumont. Et il y a un petit pont au Butte-Chaumont, à un moment. Et j'apprends pendant ma promenade que le pont s'appelle le pont des suicidés. Parce que en gros, il y a des gens qui sont suicidés en se jetant du pont. Et en fait, et c'est là où ça a un lien avec le truc, c'est qu'en fait, ce pont n'a pas de nom. Du coup, les gens ont dit ah bah c'est le pont des suicidés. Et du coup, c'est le seul nom officiel qu'il a, mais c'est pas vraiment son nom. Et donc, j'avais fait une blague en disant à l'époque, j'avais dit, j'avais raconté cette anecdote un peu tabzienne. Oui. Et j'avais dit bah du coup s'il a pas de nom appelons-le le pont Adrien Méniel parce que c'est moi qui ai l'idée quoi, en blague. Et sauf qu'en fait c'était il y a 2 ans je crois, il y a quelqu'un qui a modifié juste après la page Wikipédia de ce pont et qui a marqué pont Adrien Méniel. Donc pendant 2 ans ce pont s'est appelé pont Adrien Méniel sur Wikipédia. Et ça te rend fier? C'était bizarre parce que le pont, il y avait marqué pont des suicidés. Et en dessous, pont Adrien Méniel. Oui. Et c'était un peu bizarre, quoi. C'était pas le pont des mecs trop forts au taekwondo. Ouais, c'est ça. Voilà, c'était une autre ambiance. Et donc, c'est un beau pont. Il y a une belle hauteur de saut. Bah, il y a moyen de bien se suicider, ouais. Ouais. Est-ce que vous aviez un petit surnom à l'école? Ah, c'est une très bonne question. Ah, non, mais de toute façon, là, aujourd'hui, je suis en stage. Non, mais. Là, je pose des questions devant JB, donc. C'est drôle. Moi, j'ai eu pendant peut-être. C'était un an au collège, Toubib. Pas mal. Pourquoi on m'appelle Toubib? Et eh ben pas parce mal. Que on dirait vraiment que t'allais braquer une banque. Lui, c'est Toubib. Le colonel, la pourriture, Toubib. Non, je vais faire cette blague à chaque podcast apparemment. Non, en gros, il y a comment ça s'appelle ce film avec Boringer et Junio là. Voilà, l'époque formidable. J'adore ce film. Et Junio, c'est un ancien médecin machin qui se retrouve à la rue. Et du coup, Tiki Olgado, et même Boringer il l'appelle Toubib. Toubib. Et j'ai un pote qui avait vu ce film la veille, et il m'a appelé Toubib, et c'est resté quoi. C'est marrant ça. Et Toubib, et du coup, tout le monde m'appelait Toubib pendant. Mais c'est marrant parce que moi j'adore les surnoms qui n'ont aucun lien avec rien quoi. Ah ouais, si j'adore. Moi, j'ai pas eu vraiment une surnom, mais il y a une période au lycée où on m'appelait Musper. Donc, Sper. Ouais, j'aime bien que tu dises. Moi, j'aime bien les pseudos qui ont rien à voir avec rien. On m'appelait Musper. Oui, là, il y a un lien et tu vas le dire. Arrête de faire genre. Et t'as pris le bus. Des fois, il y a des pseudos, ils sont vraiment nulle part. Hein. Moi, gros Musper sur la table de l'école, il m'appelait. Oui, oui. D'accord, JB, raconte-nous l'anecdote tabzienne. Non, c'est ça qu'en fait, je mettais une quantité incroyable de gel dans les cheveux. Ah! Et donc, et quand il pleut, ça fait des petites gouttes de musper, c'est pas ça? Non, et en gros, tu me disais que tu mets du sperme dans les. Bien sûr. Et bon, c'était pas agréable à vivre. Oh, c'était top. C'est vrai qu'il avait des cheveux extrêmement durs. C'est vrai que c'était dur. Mais ça a duré juste un an. Ah, c'est très long. C'est beaucoup, mais en même temps, c'est beaucoup. Quand t'es au collège. C'était tout bip, ça. Ouais. Flo? Mehdi. J'ai pas de. Pas de surnom? On m'a toujours respecté dans le milieu. C'était monsieur déjà à l'époque, on t'appelait monsieur. Non, c'était Santa ton prénom. Santa. Ouais, j'étais fan de. Alors comment s'appelle cette série déjà? Non, c'était Arthur Avif. Non, parce qu'en fait, il a eu une période Chicanos. Ouais, Chicanos. Alors, c'est si Costa, c'est pas... Costa Bordino. Et d'ailleurs, je vous invite à écouter Costa Bordino. Costa Bordino. Il s'appelait Costa donc du coup. Costa. Wow. Je vous invite à écouter le Podchias si vous connaissez pas, mais vous apprendrez que Mehdi a plusieurs périodes. Et donc là, c'était la période. D'accord, très bien. Ouais, on s'adapte en fait à l'environnement surtout. Bah, une de mes périodes préférées, quand j'ai fait le Podchias avec vous, c'était la période Léo Ferré. Ouais, vous pouvez raconter ça aux gens quand même, parce que c'est vraiment. Ouais, non, on a une période en 2000 où on était fan de Léo Ferré avec Mehdi. Et c'était notre période poète. mouettes. Et on pensait qu'on pouvait séduire les meufs avec ça. Et donc on avait acheté des ceintures. C'est terrible, attention. On avait acheté des ceintures chez H&M, des ceintures blancs, ceintures bleues. Et avec le Tipex, on écrivait des paroles de Léo Ferré sur la ceinture et on mettait les ceintures. Mais genre, c'était genre, je sais pas, des paroles genre, la mer me hante. Et son, alors, et son code de PC à l'époque, c'était anarchie. Et on a serré aucune meuf à la base. Ah, c'est fou ça. Ouais, un petit conseil qu'on peut donner aux gens, ça ne marche pas. Non, ça marche pas. Arrête de faire ça. Est-ce que t'as eu une période The Crow ou pas? Un peu The Crow? Non, je l'ai pas eu. Non, ça. Je te voyais. C'est bizarre. C'est vrai? Je sais pas, je t'imaginais The Crow un peu. Non, non, j'ai pas eu ça. Et le l'écran total sur le nez là, c'est vrai ou pas là? Parce que t'étais outré là. Alors c'est faux. Alors oui, je précise non. Que on a fait dans un podcast, ouais, voilà. Mehdi a lâché une bombe, à savoir que. Bah, j'ai dû m'en expliquer après. Non, JP se laissait une couche d'écran total sur non, le nez. Vous savez, comme les vieux. Comme les vieux. Et tu ne faisais pas imprégner sur ta tête, tu le laissais tout blanc sur ton couche nez. Blanche, non, mais pour expliquer aux gens, en fait, on a donc un peu. Déjà, t'es moins agité, donc ça veut dire que je pense que c'est vrai. Non, c'est... non mais pour expliquer aux gens, on a c'est pour ça qu'on l'appelle Musper d'ailleurs. Non, on a donc un podcast qui s'appelle Le Podcast, et en gros, ce qu'on fait, c'est que à tour de rôle, on a trois sujets qui nous énervent, et donc on chie sur des trucs qu'on aime pas. Et parfois dans l'émission, on se farcit nos potes. Ouais. On fait du farcissage en règle, et parfois Mehdi se farcit JB, moi je me farcis moi-même, machin. Tout. Bon, tu farcis Bernard, parfois, ouais. J'imagine. Oh. Ah, Mehdi l'a fait, je crois, malheureusement. Ah, je crois pas. Je retire. Mehdi Maizy l'a fait dans le dernier podcast, je crois. Et donc un jour, Mehdi s'est farci ma personne en disant que je mettais de la crème l'été à la plage et que je laissais tout le blanc là sur le nez, ouais. Et ça a été confirmé que c'était faux. Après-midi. Et on est parti en vacances cet oui, été. Je n'ai faux. Pas les. C'était faux. Oui, alors, c'était faux. Du coup, qu'est-ce qui t'est passé par la tête d'inventer ce mensonge? C'est fou. Comment te inventes ce mensonge-là? Il s'est farci gratuitement. Un truc tellement spécifique comme mensonge. Faut savoir qu'après les podcasts, nous, on se fait des petits réunions de comité, de direction, une sorte de codir. Et j'ai été sanctionné pour ça. T'as pris un permabanne. Je suis prêt. Ouais, bien sûr. Mais ce qui est fou, c'est que tu l'avais très bien choisi ce mensonge, parce que moi je te visualisais totalement aussi, avec le. Mais moi aussi. Ça allait dans le perso. Ça allait dans le perso. Peur du coup de soleil. Je t'imagine terrifié des coups de soleil, toi. Non, pas du tout. Par contre, non, je suis pas terrifié. T'aimes pas le soleil. Si, ça va. En même temps, il va encore se farcir sur la. Il a les yeux bleus, donc il est plus sensible au soleil. Oui. Est-ce que ce serait pas le moment de se farcir chacun? Non, il trépigne. Ouais, ça viendra organiquement. Faut pas pousser ces choses-là. Mais en tout cas, je savais qu'à un moment, t'allais essayer de transformer le floodcast en podcast. J'étais sûr que t'allais essayer de le faire. Ouais, ça va. Je te connais. Et quand vous étiez en couple, des choses comme ça, vous avez pas eu des petits surnoms comme ça, des trucs un peu ridicules? Mais moi déjà, je suis pas un fan des surnoms en couple. Ah ouais. Bah, pourquoi? Parce qu'ils ont été donnés avant à d'autres mecs, on le sait tous. Ouais, bien sûr. C'est sûr. C'est pas mal ce que j'en ai. J'ai pas tort ou pas? J'ai pas tort. Bon, venez, on passe sur un pot de chasse. Me spère, ta meuf, elle avait plus aucun accent. Non, mais je donne pas vraiment de surnoms. Non, moi j'avoue, non. Non, ouais, non personne ne donne des surnoms. Non, mais quand tu as dit que les ex appelaient avec les mêmes surnoms, ils ont eu un électrochoc quand même en eux. On sent que. Ah non, parce que moi j'en ai. Moi j'ai pas de surnom. Hein. Moi, ma meuf elle me donne pas de surnom. Okay. Non, moi non plus. Et ouais. J'en donne pas et j'en ai pas eu. Ouais. Non, franchement non. Non. Que des gros durs autour de cette table. Nos compagnes aussi. Que des gros durs. C'est pas moi qui ai imposé. Il y aura pas de surnom dans. C'était d'un commun accord. Alors, je voulais rendre hommage à quelqu'un aujourd'hui. Savez-vous qui est Didier Kaminka, qui est décédé il y a quelques jours, le 25 septembre 2024? Ah mais si, ça me dit quelque chose. Ah, c'est mais pas possible. Didier Kaminka. Est-ce que tout le monde, est-ce que les gens ont fait un peu des stories sur lui? Non, aucune, je pense. Un sportif? Non, pas un sportif. Ah mais non, c'était la meuf de Harry Potter. Oui, non, Didier Kaminka. Didier Kaminka. Un rapport avec le Cinoche? Un rapport avec le Cinoche. Bah bien sûr, c'est une voix. Non. Par contre là, on doit enchaîner des vannes sur un homme mort. Oui, mais c'est pas grave. Eh, ça va, j'en fais sur mes parents tous les deux épisodes. Un Arménien? Hein? Un Arménien? Non, pas un Arménien. Bah pourquoi? C'est même pas un nom arménien. Arménien, ça finit par en général. C'est vrai, non mais c'est vrai. Il y avait aucun indice qui pouvait porter. Non mais il lance au hasard des questions. Et ça j'aime bien. Un laiton? Ouais. J'arrête. Un mec gaucher ou droitier? J'arrête laiton. Oh oui, pardon. Je me permets, j'arrête. Non mais t'étais. Oh. Alors on est dans le monde du Cinoche. Pas comédien de doublage, pas réel. Pas réel. Ah, alors il était aussi réel. C'était pas un chef-op? Pas un chef-op. Un scénariste? C'est un scénariste. C'est un scénariste et pas n'importe quel scénariste. Il a écrit Air Bud. Non. Enfin, ce serait ton idole. Ouais, bien sûr. Non, il a écrit, écoutez, beaucoup de comédies françaises stylées. Il a écrit Les Soudoués, il a écrit Banzai, Les Ripoux, Pour Sembrer que t'as plus rien, Je sais rien, mais je dirais tout. Pierre Richard, Inspecteur la bavure, Les Rois du Gag, La Totale. Voilà. Donc on peut le voir, c'est un homme qu'on peut voir dans le générique de True Lies, par exemple, puisqu'ils ont adapté son scénario. Et c'était un très bon pote de Boustrego. Il était aussi comédien, il a fait pas mal de théâtre. Et voilà, je voulais lui faire un big up parce que c'est des films, moi, qui sont très important dans ma jeunesse. C'est un crack. Que, voilà, que c'est la Totale, tout ça, c'est des. En fait, c'est le scénariste attitré de Claude Zidi, donc il y en a beaucoup de Claude Zidi dans la filmo. Et ça fait, pour moi, ces films, c'est vraiment les films de quand j'étais petit, que je regardais avec mes parents, où on rigolait tous ensemble devant la télé. Donc voilà, il nous a quittés. Je voulais faire un petit big up et vous demander quelles sont les comédies qui ont compté dans votre vie. Là, la comédie que vous avez poncée en VHS. Bah, déjà, tu parlais des Soudoués qu'il a écrit. Ouais. Et les Soudoués, c'est typiquement un film qui, quand il passe à la télé, tu le regardes. Et ben on le regarde, on le laisse parce qu'on sait qu'on va passer un bon moment. C'est vrai, bien c'est sûr. Vrai. Ça, moi je l'ai regardé quand j'étais petit et putain. Bon. Par contre, le 2 est moins bien. Les Soudoués en vacances. En vacances. Ouais, ouais, moins bien. Mais il y a un truc avec une voiture très. Je me rappelle un truc très très cartoon avec une voiture qui jette une ventouse là. Je me souviens surtout du 1. Mais t'avais des blagues comme ça dans les comédies de cette époque. Et puis surtout les films de Claude Zidi où t'avais des situations, des dialogues et des fois des gags absurdes visuels très. T'as Tana, bon c'est pas Claude Zidi, mais t'as Joe de Louis de Funès, enfin avec Louis de Funès. Qui est vraiment un truc de boulevard, je sais pas ce que c'est. Joe, c'est avec le kiosque où il enterre un gars et tout. Et vraiment, à un moment, t'as Louis de Funès qui descend en glissant sur la rambarde. Et en bas, il y a un gars qu'il a pas envie de voir. Et il remonte en marche arrière la rambarde. Et vraiment, t'es pas du tout dans ce humour-là pendant c'est tout du, le c'est film. C'est du zaz un peu, quoi. Oui, c'est ça. Mais vraiment, c'est pas le ton du film. Mais au milieu, t'as une vanne comme ça. Il y a une blague que j'adore dans Les Soudoués. En fait, il filme à l'avance une prof. Enfin, c'est un de leurs potes qui se déguise en la prof avec les cheveux longs blonds. Génial. Il filme ça. Et après, bon, allez, je vais mal raconter, donc j'arrête tout de suite. Ça partait très mal. Non, mais j'ai oublié de dire qu'il faisait le con. Ouais, non, mais j'ai senti que c'était très très mauvais, très mal raconté. Et je préfère qu'on passe à autre chose. Non, mais non, mais les Soudoués, ça passait souvent à l'époque sur TF1. Bon, ça passe plus, ça passe plus maintenant. J'ai l'impression que ça passe Sur la TNT, peut-être. Ouais, mais bon, c'est vraiment à la marche. Ouais. C'était quoi, toi, Mehdi, le film que tu. Non, moi, je vais bien les acteurs comiques de l'époque, type le Splendide, etc. Ah oui, bien sûr. En termes d'acting, hein, je parle. Bah, ça, ça a pas. En plus, les bronzés, les bronzés font du ski quand même. Voilà, c'est ça. C'est... Ouais. Mais une époque formidable, c'était un film que je regardais au moins 10 ans. Tu sais que j'ai découvert ce film très tard et que j'ai adoré ce film. J'ai trouvé ça vraiment génial. Il y a une poésie, il y a l'humour. Mais j'adore le Junior Real. Il faisait beaucoup des films comme ça. Genre drôle, mais touchant, mais avec des super acteurs et tout. Alors, moi, j'ai envie de vous poser une question quand même. Parce qu'on parlait des bronzés font du ski, d'accord. Ça a été fait dans les années 70. Oui, je pense. Fin 70, je pense. Fin 70. Ouais. Bon, peut-être début 80, fin 70. C'est un film 79, qui. 79. Donc on est vraiment. Non, mais j'avais pas tort. Ouais. Donc en fait, c'est un film qui traverse les générations et j'ai le sentiment quand même que les gens qui regardent Les Bronzés font du ski aujourd'hui trouvent ça drôle. Ils trouvent ça drôle. Par exemple, un film que j'avais bien aimé à l'époque au demeurant, comme Le Boulet, peut-être qu'il va pas traverser les époques. Oui, oui, oui. Mais les Bronzés, ça traverse les époques. Maintenant, la question que je vous pose, c'est est-ce que vous pensez que ça va traverser les époques, peut-être. Dans 100 ans, est-ce que les gens trouveront ça drôle dans 100 ans? Je sais pas. Je crois pas. Ah ouais, ça va s'arrêter un jour alors. Non, je pense que les gens verront ça. Moi j'ai eu ça avec les Marx Brothers. C'est-à-dire que quand j'ai découvert les Marx Brothers, je me suis dit putain, c'est fou parce que c'est très moderne dans l'humour. C'est... Tu te rends compte que ça a inventé tout. Bah, on parlait de films, je parlais de Joe qui a des mélanges. Là, dans les Marx Brothers, je sais que toi tu es un grand fan, JB. Ouais. C'est un mélange de tous les humours. C'est-à-dire que t'as des jeux de mots, t'as des trucs de jeu, t'as des trucs visuels. C'est vraiment le. C'est très riche, ouais, les Marx Brothers. En fait... Et t'as une blague toutes les 10 secondes. Enfin, tu vois. Ouais, puis c'est arrivé une époque où il y avait Laurel et Hardy, Keaton, etc. Donc des blagues de mouvement, des blagues de gestes. Et là, c'était les premiers à arriver avec des blagues verbales, quoi. Ça. Et en même temps, t'avais un mec avec des klaxons. Enfin, tu vois, donc c'était un vrai mélange de plein d'humour. Et quand tu le vois aujourd'hui. Tu trouves ça formidable d'intensité par rapport à l'époque, mais tu ne te marres pas de malade. Enfin, moi, j'ai pas des fous rires devant les Marx Brothers. Il y a quand même des blagues des Marx Brothers où ça m'est déjà arrivé de rire à haute voix, même maintenant aujourd'hui. Oui, mais tu vois, c'est pas. Tu ris pas à haute voix à chaque blague, alors que je pense qu'à l'époque, je pense que c'était complètement fou, tu vois. C'est marrant parce que ça, c'est un peu un pot de chiasse que j'ai, ça. Les gens qui disent, non, mais moi, quand je lis du Molière, je pleure de, rire. C'est vrai que c'est un très bon pot de chiasse. J'aurais dû le garder, putain. Ouais, non, il est très bon. Je le laisse comme ça. Les gens qui, moi, encore aujourd'hui, je pleure de rire. Non. Je me souviens d'un film des Marx Brothers où Groucho Marx disait, il partait en Afrique, il disait, là-bas, j'ai tué un. Je faisais. C'est encore des. Ta brousse locale, là, où tu manges de la smoule. Je te rappelle le fiasco des Soudoués. Mais vas-y, raconte-nous cette scène. Non, mais oui. ça va être court. En gros, il disait qu'il était là-bas pour un safari, etc. Il dit, un matin, j'ai tué un éléphant en pyjama, parce qu'il dormait. Ouais. Et après, il disait, qu'est-ce que faisait l'éléphant en pyjama? Ça, je l'ignore. Et tu vois, c'est assez drôle. Quoi? Non, mais c'est... Putain, merde. Mais non, c'est une blague de colonialiste. J'ai tué... Faut avoir envahi le Congo pour comprendre cette blague, malheureusement. J'avais rien compris à ça. Mais là, il dit, j'ai tué un éléphant en pyjama. Ouais. On pense que c'est lui qui est en pyjama. Il termine en disant, qu'est-ce que faisait l'éléphant en pyjama? Ça, je me le demande. Bah, tu vois, c'est pas si efficace. Ouais, parce que je l'ai très mal raconté. Je suis un mauvais raconteur d'histoire. Non, non, mais oui. C'est pas si mal, tu le concèdes, Adrien. Non, non, elle est bien, elle est bien. J'ai lu une blague assez similaire là, mais bon, je vais la dire maintenant. C'est juste. Ah putain, je sais même plus qui c'est. Non, si. T'as fait du interrupting là, encore une fois. Ouais, non, non, on va dire. Non, c'était. Là, tu deviens comme moi, tu racontes très mal. John Cena. Non, c'était. C'était un article qui disait, mais en plus la blague elle est en anglais, donc c'était John Cena surprises kid with cancer for his birthday. Et il y a quelqu'un qui disait, quel horrible cadeau. Parce que tu sais, surprise with quelque chose, ça veut dire. Enfin, oh, c'est une blague bilingue, c'est terrible. Ouais. Mais ça, attention, ça peut être podcast aussi. Les gens qui disent, il n'y a pas vraiment d'équivalent en français. Si, si. Non, mais non, parce que là, c'est mais la formulation. Non, mais par contre, en vrai, j'aimerais que tu le gardes pour le vrai podcast, parce que j'aime beaucoup le truc de Molière. Ok, parce que genre, les gens qui se tapent des barres là-dessus. Ouais, bon, allez, vas-y, je le note. Le bourgeois gentilhomme, genre, tu tapes des barres, bon. Ouais, vas-y, je le note. C'est un bon. Pour le coup, les fourberies de Scapin, ça y est, on rigole plus à ça. Non, ça va. Non, ah, mais bon. Attendez, gardons-le pour le podcast. Mais alors, justement, ça me permet d'ouvrir un petit peu parce que, comme je vous l'ai dit, Didier Kaminka a écrit Les Soudoués et Les Soudoués est le 16e film qui a été le plus diffusé à la télé. Parce que je vous parle de Banzai et tout, effectivement, c'est des films, tu disais, Mehdi, qui passaient en boucle à la télé. Oh, bah, je vous demande ouais, putain, quels sont les films qui ont été le plus diffusés à la télé. Alors, j'ai Les Bronzés, Les Bronzés Fondus Ski. J'ai un top 20 ouais. et ça va vous surprendre puisque ni Les Bronzés ni Les Bronzés Fondus Ski ne sont dans le top 20. Attends, film français ou film. Que des films français. Ok, La Grande Vadrouille. Oui, bien sûr. Il n'y a pas La Grande Vadrouille. Les Visiteurs, Les Visiteurs, c'est dedans. Il n'y a pas les. Attends, la septième compagnie. Il n'y a pas la septième compagnie. Fantomas. Il n'y a pas Fantomas. Bon, en fait, ça pourrait être des très vieux films du coup. Eh bah, ben, pas tant. Bien que chez qui. Il y a des comédies. Le numéro 1, il est introuvable. Ah, c'est pas que des comédies. Ah, c'est pas que des comédies. C'est que des films français. Ah, ok. En vrai, si, c'est quasiment que des comédies. Mais par exemple, allez, je vous donne un indice, il y a des films d'animation qui sont des comédies. Ah, ouais. Et français donc. Tout est français. Kirikou. Eh bien, Kirikou et les Bêtes Sauvages est deuxième, dites-moi. Ah bon ? Attends, et la Sorcière. Et la Sorcière, c'est neuvième. Ok, d'accord. Voilà. Diffusé 56 fois, quand même, Kirikou et la Sorcière. Et Kirikou et les Bêtes Sauvages, 69 fois. Les Ripoux ? Il n'y a pas les Ripoux. Attends, mais il n'y a pas les Bronzés, ça. Non, mais je sais pourquoi, parce que là, on parle de films où la génération TNT arrive, en fait. Donc ça passe sur. Exactement. Tu as très bonne réponse. Oublier tout ce qui est effectivement les Soudoués compagnie, c'est pas. D'accord, là. Ok. Et donc, moi, j'ai dit Bienvenue chez les Ch'tis, non ? Ah bah non, pas du tout. Ah non ? Ah non, pas de Bienvenue chez les Ch'tis. Crache-moi la gueule, Florent. Non ! Je peux. Non, mais bon. Pardon ? Oui, bon. Mais là, faut sortir les vins, là. Là, non, mais. Non. Oui, on en a pour 2 heures et tu restes là. Et tu bouges pas d'ici. Non, mais on va en trouver quelques-uns quand même. Vous en trouvez quelques-uns. On en a trouvé aucun, c'est fou. Vous savez quoi, y a pas, j'en vois deux là qui sont pas des comédies, je les donne. Il y a Flic ou Voyou 19ème avec Belmondo. Ah, oui. Et Le Grand Bleu 18ème. Ah, oui, tous bon les bleu. Deux diffusés 50 fois. Oui, d'accord. Bon, je sais pas, Astérix, Mission Cléopâtre. Alors, pas Astérix le premier avec Clavier là. Alors, non, mais par contre, attention, Astérix. Astérix, c'est animé, c'est sûr. Astérix chez, en Égypte, enfin chez Cléopâtre. Alors, exactement. Je vais vous donner tous les Astérix. Comment ils s'appellent Astérix et Cléopâtre. Et Cléopâtre. Ah, mais attends, je crois que j'en ai un bon là. Attends, je vais d'abord vous donner tous les Astérix parce qu'il y en a énormément. Dedans. Ah, bah c'est fou. Attends, il y a l'Odyssée d'Astérix. Bah celui-là, il n'existe pas. Les 12 travaux. Les 12 travaux. Les 12 travaux, c'est le premier, il a été diffusé 60 fois. Il est troisième. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Troisième film le plus diffusé à la télévision. Suivi de près par Astérix et la surprise de César, 58 fois. Astérix et Cléopâtre, 58 fois également. Astérix chez les Bretons, oui, Astérix, 56 fois. Astérix le Gaulois, 55 fois. Des dessins animés, que... Astérix et le coup du menhir, 52 fois. Et Astérix et les Indiens, 51 fois. J'avais donc même vous pas imaginez, il y a 4, 5, 6 Astérix. Il n'y a pas Lucky Luke des E-Town. Il n'y a pas de Lucky Luke. Mais il y a une autre BD. Ah oui, Tintin. Le Marsupilami. Tintin. Et le Lac Orquin 55 fois. Et le Temple. Orquin. Le Lac Orquin qui était un dessin animé avant d'être une BD. Tiens, on parle comme les 12 travaux. Je crois. En parlant de farcissage, il y a un truc que Mehdi a toujours détesté chez moi. Et vraiment, ça le rend fou de rage à chaque fois. Bah après, c'est que j'aime bien Tintin et ça le rend fou de rage. Ah, ça m'énerve aussi. Ah, j'aime pas. Moi, je n'ai pas. Alors, déjà, ni dessin animé, ni la BD, l'écriture et tout, ça me stresse en fait. Et ça l'énerve que j'aime. Mais ça va bien dans l'aspect néocolonialisme. Oui, c'est comment j'imagine les gars. J'ai jamais aimé Oumpapa, tout ça. Mais par contre, Tintin. Ah ouais, Tintin, ça rigole. Kirikou, il a pas aimé. Mais ça, vous mais, parlez de vos Kirikou. Mais Tintin Congo, pour moi, c'est un must. Mais oui, Tintin, pareil. Mais j'ai l'impression qu'il y avait deux teams. Il y avait Astérix et Tintin, non? Ah ouais, tiens. Non, toi, t'étais, t'étais team des deux, toi, JB. Est-ce que t'étais pas en train de créer une team là? Mais moi, je suis team chat déjà. Ouais, ça, c'est un peu de chiasse pour moi. Et puis moi, alors là, le lait, c'est après les céréales. Je comprends pas les gens qui mettent avant. Mais ouais, moi, j'étais plus team Astérix. Tintin, en fait, je trouvais ça pas très marrant. Bah non, non. Et quand j'étais petit, dessin animé pas marrant, pareil, je comprenais pas qui l'intérêt. Les ouais. insultes du capitaine Haddock. Non, je ris aux éclats. Les Dupont là. Oh, les Dupont. Oh, je dirais même. Il comprend tout de travers. Oui, bon, c'est pas si drôle. Je dirais même plus. C'est excellent quand ils disent ça. Non, après, Astérix, pas. Est-ce que vous auriez été comme ça devant Spielberg? Spielberg qui a adapté Tintin. Oui, oui. Ouais, grand fan de Tintin, Spielberg. Ouais, c'est vrai, grand fan de Tintin. Tintin qui a un peu influencé Indiana Jones. Bien sûr, bien sûr. Et alors? Et alors, en fait? Non, c'est juste pour dire que je suis pas colonialiste. Alors, est-ce que vous pouvez me trouver allez, quelques petites comédies comme ça? Après, j'arrête de donc, vous raconter. Image réelle, du coup. Opération ouais. Cornet Beef. Pas Opération Cornet Beef. Il y a étonnamment pas de Christian Clavier, hein, je vous le dis. Ouais, il y a pas un clavier. Donc, ça doit être c'est des trucs plus récents que. Ah, j'en ai un. Il y en a un récent. Ouais, les vas-y. Trois frères. Ah, j'en ai non, un. Non, non, non. Taxi. Pas taxi non plus. Non, non, je suis désolé. Je vais vous les donner, vous êtes prêts? Non, il y a un Junio, il y a un Junio. Que tu as, il y a pas l'époque formidable. Ah, autre... Scoot toujours. Scoot toujours. Oh il y a pas prof. Il y a pas prof, non. Scoot toujours 8ème, 56 diffusions, vous imaginez. Ouais, mais là, c'est, ils passent plus nulle part là. C'est fou, ouais, moi, mais t'avais raison avec la TNT. Je pense à un des trucs de ouais. 22h30 sur W9, des trucs comme ça. C'est vraiment, moi, 56, ça me paraît peu. Genre, je m'attendais à des chiffres ouais. vraiment énormes. Bah, regarde, le Père Noël est une ordure, il passe tous les Noëls. Mais tu vois, il est sorti en 80. Oui, remarque, oui. En 56, t'imagines? Mais non, en vrai, c'est énorme. C'est le film. Je retire tout ce que j'ai dit. Le personnage de Scoot toujours qui s'appelle Jean-Baptiste. Combien sur 10 cette info, t'as dit? C'est du 3 sur 10. Ah, 3, moi, j'aurais mis 2, moi. Mais par contre, j'ai toujours trouvé bizarre la fin de. Alors, c'est pas Scoot toujours, c'est Pino Simple Flic, je crois. Ou c'est le tournage. C'est-à-dire qu'il y a la scène de fin où Pino il fait: eh ben dis donc, je suis un flic maintenant ou quoi? Il dit pas ça. Mais voilà. Ouais. La caméra recule et tu vois: ok, fin de tournage pour Gérard Jugnot. Et c'est le générique, tu fais: bon, c'est ridicule. C'est bizarre, ouais. La fin de. Par de... contre, l'affiche dessus, mais trop bien. Ah bah bien sûr, avec les gros muscles de Jugnot. Ouais, c'est détourné en façon Rambo. Ouais, bah, bien sûr, un bonheur. Il y a un Coluche peut-être? Non, il n'y a pas de Coluche. Un Delon? Non. Ah, si, pardon, il y a un Coluche. Mais pas un Coluche où il est tout seul. Non, la Lue la Cuisse, on l'a dit ou pas? Non, il n'y a pas les Lue. Jésus, moins, je ne sais plus combien. Exactement, deux ans moins le quart avant Jésus-Christ, 6ème, 57 diffusions. Mais ça me paraît bizarre qu'il n'y ait pas de Louis de Funès quand même. Il y a un Louis de Funès. Ah, le Cornio? Non. La Lue la Cuisse? Non. Pouic Pouic? Non. Le petit baigneur? Non. Ah, là, bah, le gendarme? Non. Il n'y a aucun gendarme. What? Ouais. Ni Fantomas en plus. Ouais. C'est bizarre. Oui. Mais c'est peut-être le tatoué. Un de mes préférés. Pas le tatoué. Joe. Non. Ah, je l'ai. Ah. Rabbi Jacob. Non. Non. Oh, oh, c'est fou. Ouais, il n'y a pas Rabbi Jacob. Non, mais je vous le dis. Attends. Un deux Funès. Un peu un vieux de ton Funès. Ton préféré en plus? Ouais, mon top 3. Funès. Ah, Hibernatus. C'est pas. Ah. Hibernatus. Pas Hibernatus, non. J'aime pas trop Hibernatus, dites-moi. Ouais, moi aussi, je l'aime pas trop. Non, mais je le partage avec vous. Parce que c'est pas crédible. Bah, j'y crois pas. Mais quand même. Un indice sur ce film de High Concept pour l'époque. High Concept. Un indice. non. Vite, c'est un ventre mou. C'est un film, ouais. Non, mais c'est un peu un film en deux parties où la première partie est exceptionnelle et après ça part la en. La soupe au chou. Non, et après ça part en truc. Putain, ça fout de. Il devient de Funès. Je deviens de Funès. Devant nos yeux. Je vais vous le donner. Ah, je déteste. Bah, la vous savez quoi, on reviendra d'autres. On reviendra sur deux films. Okay. Vous savez quel est le numéro 1 et ça, c'est fou. Bah, tu l'as dit, non? Astérix? Non, non. Le numéro 1, c'est Delphine 1, Yvan 0. Non, c'est pas possible. Mais non, Dominique non, Foggia. Non, non, c'est pas possible. 70 C'est erroné. J'adore ce film, soit dit en passant. Film commenté par Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. Il est très bon, mais c'est pas possible. Parce que tu me dis, c'est Didier le numéro 1, tu vois. Écoute, Mehdi, je te réponds droit dans les yeux. L'article est là. 70 diffusions pour Delphine 1. Après, c'est peut-être 0. Juste une question d'à quel point tu dis la diffusion de ton film et pas genre sur à quel point. Écoute-moi, les gens veulent le voir. Il a été diffusé, donc effectivement, ça fait. C'est comme. Bah, pardon. Selon l'étude du CNC, pardon, il a été diffusé donc 70 fois, dont 61 fois sur TF1 et souvent la nuit. Oui. Oui. Mais vu qu'il est sorti en 97, c'est-à-dire qu'il y a plus de 2,7 diffusions de ce film par an. C'est incroyable. Parce que j'ai pas le sentiment de l'avoir vu autant que ça à la télé, quoi. Ah non, non, mais passe la nuit, c'est ce que je te dis. Ouais, c'était ouais. des films. Alors le de Funès vous l'avez pas. Je vous donne quand même quelques-uns. Il y a Bouge avec Ophélie Winter, 17ème. Oui, 51 fois. Tu commences à énerver Mehdi là. Mais je vois ça. Et le de Funès qui vous manque, allez. Et la vie est un long fleuve tranquille, 13ème. Ah oui, là, d'accord. 53 diffusions. Et le De Funès, allez, un dernier. Un petit indice pour ce. J'ai envie de le trouver, ce De Funès. C'est. Alors attends, je peux te dire, c'est un film réalisé par. Ouais. Ouais, non, le réalisateur va vous aider. Attends, c'est un film de 66. Non, mais ça m'étonne que ce soit ton préféré. Il s'appelle à l'intérieur Monsieur Septim. Voilà. Ça, Monsieur Septim. Ah, mais c'est pas le truc. Ah, si, Septim. Le grand restaurant. Le grand restaurant. Ouais. Bien joué. Yes! Incroyable le film de Funès. En fait, il y a une deuxième partie un peu chelou où ils volent un diamant, je sais pas quoi. Ouais. Mais alors, toute la première où c'est pas trop incognito. C'est la recherche du diamant vert après. Ouais. C'est vraiment ce qui a inspiré Patron Incognito, je pense. Où il la fameuse blague avec Hitler. Bien sûr, évidemment. Très drôle. Effectivement, il y a l'ombre. Tu peux pas me dire que, je sais pas, un film avec Pierre Richard et Depardieu. Ouais, les compagnons, c'est pas possible que ce soit pas dans la. C'est les chiffres du CNC, mon pote. La Commission européenne veut faire voter une loi concernant les restaurants. À votre avis, laquelle? Ah, attends. Parce que je sais qu'il y a des fous de restos. Ah oui, on a des fous de resto. Est-ce que ça concerne l'hygiène? Pas vraiment. Mais non, mais c'est ce que c'est le fait maison là. Faut mettre quand c'est fait maison. J'aime bien le ton. Écoute, bien Mehdi, du haut de ta chaise haute, visiblement. Tu cherches mon cigare, moi je vois là. Vas-y, balance-moi des croutons de pain. L'empereur. D'autant que tu as faux sur toute la ligne, Mehdi. Mais qu'arrête. C'est extraordinaire, c'est d'aplomb. T'as dit hygiène et t'as dit pas vraiment. Non, mais c'est pas. Non, pas de l'hygiène. T'as pas le droit de tutoyer les clients. T'adorerais. C'est ça. La loi que je suggère depuis. Ça est tiré sur des chasseurs. Peut-être que ça concerne, et je crois que je l'ai déjà abordé dans le podcast, mais c'est ces restaurants italiens qui font leur intéressant en mettant le menu qu'en italien. Ah, ça, c'est ce qui t'oblige à aller sur Google pour aller voir la traduction. Incroyable. Non, mais c'est pas toi qui. Non. C'est insupportable ça. Oui, ouais. D'accord. C'est pas pour la langue comme ça. Non, c'est pas ça, non. Mais c'est vrai que ça m'énerve. Mais j'ai vu quelqu'un partager en story un tweet qui disait ouais, les restaurants italiens, arrêtez de mettre vos menus en italien. Du coup, c'est le podcast. Ouais. Pourquoi? Parce que tu l'as dit dans le podcast? J'ai dit dans le podcast. Ah, bah c'est peut-être ça alors. Ouais. Ou alors peut-être c'est un truc banal. Oui. Non, ça vient du podcast. Ah, je l'ai. Ça rapporte à bouffe. Ah, mais il l'a. Hein. Attendez, il l'a. La dernière fois qu'il a annoncé qu'il l'avait. Je rappelle qu'il a dit qu'il allait être très bon à ce jeu, il a rien trouvé pour l'instant. C'est une obligation de donner de l'eau. C'est un pauvre. Quel naufrage. Un accident de voiture en direct. Même toi, on a senti que tu croyais plus à mesure que tu faisais ta vidéo. Il voulait pas terminer. Il a lu dans mes yeux. De l'eau, non. C'est pas ça, je rigole. C'était pas ça. C'est du second degré. D'ailleurs, en parlant d'eau, j'irai bien chercher de l'eau. Elle va chercher de l'eau. Allez, c'est vrai que j'ai pas senti les verres, j'ai rien senti. Ça concerne la nourriture. Ça ne concerne pas la nourriture. D'ailleurs, vous avez déjà dit un truc, parce que moi j'ai réalisé un truc dernièrement. Quand on va au restaurant, on mange avec des couverts, on est d'accord? Bien sûr. Mais couverts qui sont allés dans la bouche de milliers de gens. Oui, mais c'est lavé, mon pauvre ami. Oui, d'accord, certes, c'est lavé, mais c'est allé dans la bouche de milliers de gens. Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? T'as le fantôme un peu de la salive de tous c'est ces ça, gens qui te hantent. Il aurait forcément une petite particule. Bien sûr. Tu sais, en restant dans le restaurant, tu sais ce que je me suis inventé comme concept récemment? Dis-moi. Un McDo, mais tu sais, en mode restauration, c'est-à-dire que t'es assis à table et il y a un mec qui vient avec vous. Oh, la pire idée. Qu'est-ce que vous allez commander? Un Big Mac, après ah ouais. Il le ramène. Tu veux dire une sorte de McDo de luxe, quoi. Voilà. Ah ouais. Non, mais moi, je trouve que ça va avec le McDo. Moi, si le sol colle pas quand je vais au McDo, je suis pas très content. Tu vois, non, mais par contre, Mehdi, tu peux nous raconter l'anecdote à la boule il y a pas longtemps au McDo? Zéro. Oh là là. Mais j'ai plus. J'ai goûté avec la boule de Fort Boyard. Notre binôme ne fonctionne pas au top. Non, on était au McDo à la boule avec Mehdi. Et on est en train de manger nos Big Mac comme ça tranquille. Et là, il y a une meuf qui travaille au McDo qui vient à côté de nous et qui nous fait tout se passe comme vous voulez. Oui, monsieur. Voilà. Ça, mais c'est comme si on était au restaurant, quoi. Bonne dégustation. Ouais, elle fait tout ça. Bonne dégustation. Et bah, ça faisait du bien. Bah, ça faisait du bien. Ah, ça faisait du bien. Ça a rajouté une petite couche à ton plaisir. Ouais, non, mais je moi, ce que j'aime bien, moi, c'est pas d'interaction, c'est ce que je préfère, moi. Moi, c'est ce qui me rend fou avec le McDo aujourd'hui. J'en ai déjà parlé, mais c'est ce truc du chevalet. Moi, je trouve ça totalement fou, oui, le chevalet. Ça m'énerve. Et tu peux jamais... Des fois, le code, tu t'es obligé de mettre 000 quand il y en a oui, plus. Non, et puis même le fait de t'asseoir, et puis du coup, il y a des gens qui sont assis, qui ont pas encore leur place. Si je peux me permettre, j'ai pas la ref là de parce que je vais plus au McDo. Ah bah, au McDo, en fait, quand tu commandes en borne, et c'est de plus en plus obligatoire, tu dois mettre un New York chevalet. Et maintenant, on te sert le McDo à table. Oh. Ouais. Eh ben oui, mais non. Non, mais attends, tu vas plus combien de temps au McDo? Parce que ça date de quand même. Mais il est 2000, végane. Oui, moi, c'est végane. Fait... Ouais, ça fait 10 ans, plus de 10 ans. Et donc, du coup, bah voilà, non, maintenant on t'amène le service. T'as le service à table. Alors, tu peux le refuser. Il y a un Mac végane. Hein. Ouais. Non, pas en VG, Paris. Pas, non, même tiens, pas. D'ailleurs. Ah oui, t'es pas végé, t'es végane. Ouais. Donc c'est-à-dire que tous les burgers que font Burger King, etc., tu peux pas y avoir accès. Bah je sais pas, je pense que non. Ouais. Je crois qu'il y en a un végane. Genre non, avec en fait, du fromage. Je crois que c'est le végé. Non, je pense que c'est le végé, ils enlèvent le fromage. Ouais. Non, mais McDo n'ont même pas végé, ça c'est fou. Mais ouais. On est un vrai, des seuls vrai, McDo du monde à ne pas proposer des burgers végé. Tu vois, ah là, ouais, j'étais au States, il y avait du végé. Mais en plus, je pense que potentiellement les pains ne sont peut-être pas vegan. Il y a peut-être du lait dedans. Souvent. Ah là là. Adrien, est-ce que t'aimes bien les gens qui t'envoient des messages pour te dire ah oui, tu manges des imitations bacon, quoi, tu veux manger du bacon? Ah bah ça. Ça t'aime bien ça. Hein. Si vous n'aimez pas la viande, pourquoi vous mangez des. Ça, ça te plaît ça. Hein. Oui, oui. Et, ça, et toutes les lois qui interdisent de dire steak de soja parce que c'est pas un steak. Ah oui, ça c'est fou. Ça, j'adore. Ça. J'aime bien des gens. Je voulais juste énerver un peu. Oh, mais ça, c'est old. C'est son quotidien. Mais ça ne nous dit pas. Et non, ça ne nous dit pas. La Commission européenne. Oui, lavage de main, lavage de main. Pas lavage de non, main. Non, c'est pas ici. J'aurais, j'ose espérer que c'est déjà obligatoire. Pour les, alors ouais, oui, mais parce que là, vous pour êtes le sur personnel. Un truc pour le personnel. Ah, c'est pour le personnel. Ben non, justement. Pour les clients. Pour les... Ah, c'est pour les clients. Parlez moins fort. Ouais. Pas de téléphone. Oh. Ah, les mains, ah, les mains sur la table. Obligé d'avoir un esprit shonen pour rendre. Sur comment votre esprit shonen. Ok, c'est bon, vous pouvez venir. Votre table, bon, monsieur. Votre table ici. Mais là, c'est un truc qu'on va tous devoir faire là bientôt. Alors, c'est la Commission. Tu verras, je vais vous en parler, mais c'est la Commission européenne, donc c'est pas non plus une loi. Alors, tu vois ce que je veux dire. Ils veulent faire passer plutôt un. Tu vas voir. Message de prévention un peu. Ce sera bien que vous fassiez ça, quoi. C'est un peu ça. C'est pour les clients. Pour inciter les gens. Inciter les gens, exactement. Et est-ce que c'est inciter à faire quelque chose ou à ne plus faire quelque chose? Très bonne question d'Adrien Méniel, à ne plus faire quelque chose. Manger. Non. Les pourboires. Ah non, ne plus faire quelque chose. Ouais. Donc quelque chose qui pourrait déranger le reste de la clientèle. Tout à fait. Mmh. Ah là, vous êtes pas loin, vous êtes aux portes de la réponse. Et on n'est pas sur le téléphone, on n'est pas sur le téléphone. Parler fort. Appeler de loin un serveur, lever la main comme non. Ça. Non, c'est pas bon ça. Appeler et en faisant le geste en même temps. S'embrasser. Quand tu fais les deux, c'est vraiment oppressant. T'as pas le droit de te galocher. Et encore heureux dans ce pays, on a le droit de se galocher quand le même. Le pays de l'amour, Paris. Eh, putain. Paris, le pays de l'amour. Attends, j'essaie d'imaginer ce que font les clients de chiens dans un resto. Ah bah. Bah Potias, attends, tu devrais en avoir mille. Oui, bien sûr. Moi, je peux en trouver mille, mais. Mais c'est quand même la liberté aussi de la personne, donc faut jouer entre les deux là. Tu veux donner un énorme indice. Ah, c'est pas fumer à l'extérieur. Oh là là, quoi, bonne réponse. Ah, mais putain, je le savais. Mais oui, mais très bonne réponse. Oui, t'as même plus le droit de. Fumer en terrasse. Mais j'adore ça. Moi, je suis content. C'est pas ça. Ah bah, c'est ça. Ouais, commence pas, Mehdi. Ah, mais Mehdi, attention, mais si Mehdi. Ça, j'avoue que mais j'étais un peu, je l'ai vu passer il y a quelques temps et du coup ça m'était sorti de la tête. Et moi je suis ok avec tellement ça. Tellement c'est old, moi j'adore. Tellement c'est old, le mardi 17 septembre, c'était il y a 15 jours. Mollo, l'astico. Un peu plus. L'organe exécutif de l'Union Européenne a publié un texte qui pourrait changer les pratiques en terrasse de café et bar. Elle recommande d'interdire de fumer à l'extérieur des établissements de restauration, entre autres. Cela vaut aussi pour les cigarettes électroniques. Oui, oui, c'est un plaisir. Mais quel plaisir. Oui, oui. L'objectif, moi, évidemment, l'objectif premier, protéger les plus jeunes. Et oui, le tabagisme passif. C'est pour ça qu'en plus des terrasses, des cafés, des restaurants, la Commission recommande d'interdire la cigarette dans les terrains de jeu, les parcs d'attractions, les piscines, les arrêts de bus, partout, les gares. Je vous en supplie, partout. Partout. Tu sais qu'à New York, t'as pas le droit de fumer. Il y a un périmètre au pied des bâtiments. Il y a un truc comme ça à New York. Genre, si je crois que c'est seulement si c'est un truc pro. T'as pas le droit de fumer, genre à l'entrée d'un bâtiment. Il y a un peu un périmètre. Donc t'as le droit de fumer dans la rue, mais quand même, tu dois. Bah, à Tokyo, c'est ça aussi. Tokyo, t'as vraiment des endroits. Bon, là, c'est peut-être un peu too much. Mais tant qu'on interdit de fumer, j'aime bien, c'est moi. C'est pas seulement la cigarette. Peut-être les chasser aussi, ces gens-là. Non, mais je sais pas, une idée. Non, mais ça. Non, mais même la cigarette électronique, quand je marche dans la rue et qu'il y a quelqu'un devant moi qui fume la cigarette électronique et qui me balance sa fumée de framboise là dans le. On va être d'accord, oui. Parce qu'en plus, moi, il y a un truc psychologique de ah là, je sais que je suis vraiment en train de respirer son souffle. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, comme en période de Covid et tout, de maladie, tu dis là, je suis vraiment en train de respirer. Oui, ça sort de sa bouche là. Là, c'est un sujet, mais c'est pas pour Faubert, c'est entre nous, entre Quadra. Tu te rappelles quand on pouvait fumer dans les métros? Moi, j'ai jamais fumé. Dans le cinéma. Dans les avions aussi. Les avions, t'as pas connu ça, tout ça. Moi, j'ai connu les restos. Je me souviens restos, de zones non fumeurs au resto. Avec quoi, des grands ventilos géants au-dessus de toi. Attends, tu fumes un? Non, je fume pas. Ah. Mais j'ai connu à cette époque. Moi, j'avais un père qui fumait des Gaulois sans filtre. Oh là, mon grand-père, c'était ça. Ça existe encore, les Gauloises? Non, mon père fini, n'existe plus, mais les Gaulois, bah je sais pas, du coup, j'en sais rien. Je sais pas si ça existe encore, ce truc. Ah, non, si, je pense. Non, les Gaulois, ça existe plus. Non, je crois pas. Ah ouais, putain. Je fais une recherche tout de suite. Je refais un deuil, bordel. Mais. Non, mais c'est horrible. Ça s'est arrêté en 2000. Ça s'est produit en France jusqu'en 2005, puis en Espagne, et depuis 2014 en Pologne. Donc non, ça existe encore. Mais du coup, voilà, la cigarette. Ah non, pas du tout. Alors, en 2014, Imperial Tobacco annonce la fermeture de l'unité de production. Ah putain, ça je savais pas, tu vois. Ah non, du coup, c'est juste en Pologne. Ça me dégoûte particulièrement la clope, quoi. Ouais, parce que les fumeurs, un truc mini potchias aussi, c'est les fumeurs où tu sais ils fument à côté et tu sais ils font genre ils soufflent en fait la fumée elle va pas dans une direction, enfin elle revient dans ta gueule. Mais alors du coup c'est sympa de leur part, mais oui, voilà ce que j'allais dire, ne fumez pas. Voilà. À côté. Mais du coup ça me pousse à vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà essayé de fumer, et même fumer de la drogue? Alors Florent, attention. Moi à un moment j'ai mis l'orteil. Dans ce vice. Dans le. Qu'est la marijuana. La spirale de la drogue. Mais non, la spirale de la drogue. T'as fumé de la marijuana, toi ? Écoute, j'ai fumé. Pas n'importe où. Attention, je ne t'ai fumé que à Amsterdam. Ouais. D'ailleurs, il disait dame. Je disais Adam. J'ai Adam. Et non, mais en gros, si je compte le nombre de fois où j'ai, où j'ai tiré sur un joint et donc pas fumé un joint. Je pense qu'on est à 10 fois dans ma vie, je pense. Ouais. Parce qu'à un moment, j'ai voulu tester un petit peu et j'ai apprécié les effets. Je vais pas vous mentir. Mais je l'ai fait à Amsterdam. C'était quoi l'effet ? Bah, je suis un peu fonfon, quoi. Ouais, non, mais ça me fait beaucoup rigoler. Ça me fait. Et en fait, dès que la deuxième, ça me fait moins d'effet, du coup, j'ai plus envie de fumer. J'ai vraiment juste l'euphorie de la première, mais ça me fait pas. Après, j'ai plus du tout envie de fumer. Parce que... Et surtout, je fume des purs parce que j'aime pas la nicotine. Ah, t'es comme ça, toi. Ouais. Là, je suis avec pur. Mais dites, j'ai essayé la. Non, t'as jamais essayé la drogue. Ah bon ? Non, la drogue, non. Enfin, ça, la drogue, quoi. Oui, voilà. J'arrivais pas à terminer mes phrases. Mais attends, mais t'as essayé ? Tu m'as jamais raconté ça. Il y a très longtemps. Ah ouais ? Ça me coupait mes phrases. J'arrivais pas à les terminer. Ouais, ça, c'est relou. T'as eu ce truc ? Moi, c'est la fin surtout. J'avais vraiment la. Enfin, tous les clichés, en fait, des gens qui fument des joints, j'avais une faim. Et à Amsterdam, t'as sur les devantures. La fonce dalle. Et sur les devantures d'Amsterdam, ils ont des trucs ignobles qui sont en gros des gaufres avec de la chantilly plus des boules de glace, des Kinder Bueno plantés dedans. Ah oui, c'est oui. Vraiment des trucs ignobles visuellement. Et quand t'es défoncé, t'as envie de les manger. Oui, oui. Ouais. Parce que, bien sûr, tu mangerais pas ça. Ah non, je te jure que non. Ah non, mais c'est vraiment Florent, trop. Florent, ah, j'ouvre ton frigo, je pense que j'en vois un. Ah ouais ? Ah ouais, mon pote. Une énorme gaufre avec des Kinder Bueno dedans. Non, non, non, mais vraiment le truc visuellement est atroce, quoi. C'est vraiment oui, un oui. Pokémon. C'est un truc. Non. Terrible. Mais t'en mangerais. J'adore ça. Peut-être mon plat préféré. Donc oui, cette loi, enfin c'est pas vraiment une loi justement, c'est ça que je voulais dire. Oui. Puisque en gros, les fumeurs, le texte de la Commission européenne n'a pas de portée juridique, explique oui, Gwendolyn Paul. Bah oui. Ça je comprends. Comprendre, il n'a pas de valeur contraignante, ce n'est qu'une recommandation libre aux États membres de s'en saisir ou de le laisser pour l'être morte. Ah bah d'accord, oui. D'accord, d'accord. Mais ah, donc ça veut dire que quand même les États ont le droit de la France faire un peut truc décider, légal. La France peut décider ou non de l'intégrer à un projet de loi. Oui, d'accord. Et aussi libre de prendre des libertés avec c'est, le texte européen. C'est incitatif à l'échelle nationale, enfin gouvernementale, je veux dire. C'est ça, donc, c'est l'Europe, mais après chaque pays décide. Ah, un peu. Ok. Et en France, il faut savoir qu'environ 20% des lois adoptées sont d'origine européenne, ce qui n'est pas dingue. Ouais, voilà, ouais. Donc, mais non, mais c'est vrai qu'en terrasse, c'est... surtout quand c'est les terrasses semi-couvertes, là, bon, bah c'est comme si on était à l'intérieur. Ouais, c'est ridicule. Donc le fumez pas là. Ce qui serait top, ce serait de faire deux terrasses. Genre t'as la terrasse fumeur et la terrasse non fumeur, tu vois. Mais, non, mais bon. Les fumeurs, ils se lèvent, ils vont sur le trottoir, ils fument leur TikTok, ils reviennent. Bah oui. Bah voilà. C'est ce que font déjà beaucoup, en vérité. Enfin moi, en tout cas, j'ai de la chance de traîner avec des fumeurs. Font, même en terrasse, tu veux dire ? Ah ouais. À part Jérôme Niel qui adore fumer en terrasse, mais j'ai pas mal de potes qui justement sortent de table pour aller fumer souvent. En tout cas, les fumeurs, je tiens à leur rendre au moins hommage sur ça. Je ne trouve plus de mégots de cigarettes par terre ni sur la plage. Ah ouais. Ça veut dire qu'ils ouais, sont beaucoup. Non. Ça est en train d'être fait, je pense. Moi, je vois vraiment des gens les jeter sous mon nez. Moi, ouais, pareil. Ah ouais, et j'ai grave le courage de dire eh oh, oh, c'est dégueulasse. Oh, par la fenêtre de la voiture, et peut-être ce qui m'énerve le plus. Ouais. T'as vraiment quand je les vois par la fenêtre de la voiture, là, j'ai vraiment un truc. Ah oui, bon, vraiment, tu jettes ta merde et tu te casses. Ça, c'est biodégradable ou pas ? Bah non. De quoi les mégots ? Les mégots, c'est que ça met. Je crois que ça met 50 ans à se. Ah ouais, je crois. Ça met 50 ans et. Et ça finit dans la Seine, par exemple. Et les produits chimiques, genre polluent les nappes phréatiques et tout. Enfin, c'est vraiment un des pires trucs, quoi. Dans le filtre, en fait, il y a des trucs ultra dégueulasses, quoi. Bah oui, non, les mégots, c'est immonde. La coupe. Moi qui adore les gadgets, si j'étais fumeur, je sais que j'aurais un petit cendrier portable. Mais je comprends pas que tous les fumeurs aient pas ça. Ça existe, petite, ça. Ouais, en vrai, c'est juste une petite boîte en fer et tu mets tes clopes dedans. Okay. Après, Adrien, ton anecdote sur le cendrier portable. Hélas, les gens qui fument, pour moi, ils veulent avoir un truc un peu charismatique. Tu vois. Et ça, c'est pas charismatique, ton cendrier portable. Je sais pas. Ouais. Ça peut le devenir. Ça peut le devenir parce que maintenant, on est quand même dans une. On vire dans une époque où être politisé et tout, ça devient cool, tu vois. Donc si tu montres un truc écologique, ça peut être cool, tu vois. Mm-hmm. Mais cela dit, moi, j'avais le. Bon, ça, c'est pas encore, on n'y est pas encore. Je crois que c'est la mairie de Paris qui avait essayé de faire. Pour inciter les gens à acheter leur mégot, ils avaient mis des espèces de petits trucs un peu rigolos. Genre, vous êtes quel team ? Star Wars ou Star Trek ? Et en gros, tu devais mettre ton mégot. Dans le truc de ta réponse, tu vois, et tout. Bon, ça n'a pas du tout marché, évidemment. Ça marche un peu, je crois. C'était ça, cassé très vite. Ah ouais, c'est ça. Je crois que ça marche un peu, hein, ces trucs-là. Putain, parce que c'était un truc de. Dans les cafés, ils faisaient ça avec les pourboires. Genre, vous êtes team machin, et tu fallais mettre une pièce. Ah, pas du mal. Du coup, les gens, ils se faisaient des pourboires comme ça. Vous avez remarqué, maintenant, on est presque obligé de donner un pourboire dans les restos. Bon, allez. Ça a toujours été le cas, en fait. Ça a toujours été le cas. Aux États-Unis, oui, mais pas en France. T'as déjà mis un pourboire pour la fondation McDo quand tu vas à McDo ? Il y a Voilà, tu l'as fait. Il y a une petite boîte de fondation. J'ai assisté à une très belle scène avec JB. On était allé à la Fnac. C'est quoi ça, déjà ? Il y avait Il y avait un truc pour donner ou je sais pas quoi. Ah oui, quand tu payes par carte, ils te disent est-ce que vous voulez donner. Oui, voilà. Ah oui. Écoutez-moi oui. bien, on parlait de 2 centimes. Il a appuyé sur le rouge vraiment fort, fort, fort. Moi aussi, j'ai appuyé sur le rouge. Il a dit non, 2 centimes, c'est hors de question. Oui, mais là où je te rejoins. C'est que ça, c'est ils font ça parce que c'est exonéré d'impôts et c'est des magouilles. Tu vois, Flo et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il l'a fait. Oui. Il était parfaitement au courant de ça. Attends, c'est vrai que quand t'appuies, tu en fait, une entreprise qui fait un don à une œuvre, c'est exonéré d'impôts. Donc c'est un peu des trucs de magouillos. Non mais j'étais au courant. En plus, c'est vrai, j'étais au courant. C'est pour ça que je le fais jamais. Ils font pas ça par bonté de cœur, parce qu'il y a ça même dans les supermarchés. Parce partout que là, c'est maintenant, partout. Ouais, ouais. Et vous avez chier les gens des fois d'avoir de la monnaie et aussi. Évidemment, donc, les patrons d'entreprise font pas ça pour être sympa. Non, mais moi je parlais vraiment des restos. Maintenant ils ont un truc où il faut mettre 10%, 15%, 20%. Ah ouais? Ouais. Ah, je l'ai vu dans un resto à Paris, ça. Oui, ça je l'ai vu. Mais là, genre, on n'est pas aux États-Unis là. Et en plus, ils te mettent la pression pour que tu mettes vraiment 20, parce que si tu mets 10, bah t'es un crevard quoi. Ouais. Et je veux pas 20% en plus quoi. T'as mis 10? J'ai rien. Oui, j'ai mis. j'ai mis 10. Est-ce que vous connaissez la coupe Razor Bob? Parce que c'est une coupe qui a connu une augmentation de 1500% de recherche sur Pinterest cet été. Et savez-vous quelle est. Une coupe. Alors attends, coupe déjà, il va falloir. Une coupe de cheveux? Une coupe de cheveux. C'est une coupe de cheveux? Une coupe de cheveux. Ah. Et elle a connu 1500% de recherche depuis sur Pinterest. En plus, savez-vous à cause de quoi? Bah c'est une coupe au bol déjà, j'imagine, non? Oui, on la d'une certaine manière, oui, oui, bien sûr. Ah, tu viens de le dire, non? Oui, bah en gros, là, c'est pas ma question. Ma question, c'est. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu un boom de 1500? Mais si on connaît sur Instagram là, les jeunes là, qui se faisaient une coupe. Non. Instagram les jeunes déjà. Attendez, c'est Inoxtam ça, c'est l'Everest. Je l'ai vu ça. Mais tu connais cette coupe? Non, c'était un fameux barbeur qui avait tourné sur les réseaux il y a quelques temps. Ah oui, la buzzcut. La buzzcut. C'est quoi ça, pardon? C'est mieux ça ce qu'il dit là. C'est incroyable ça. Non, c'est un mec en fait qui faisait des buzz cuts. Donc les buzz cuts, pour que tu saches, Flo, c'est une façon de couper les cheveux. En fait, c'est vraiment genre crâne rasé très court, mais avec les contours très très dessinés quoi. Ouais, perpendiculaire, okay. Angle droit quoi. Ouais. Et en fait, il le faisait très mal. Enfin, il le faisait très mal. C'est juste qu'en fait, les mecs avaient pas des têtes à buzz cuts quoi. Ouais. Et du coup, ça a fait un buzz assez drôle. Un buzz cut d'ailleurs. Ouais, bien sûr. En fait, ce qui était marrant, c'est que tu voyais vraiment. Après, il montrait la coupe dans le miroir et tu voyais la gueule des mecs qui voyaient qu'ils avaient une gueule horrible quoi. Et ce barbier est détenu par un ami. Bah oui, et quoi Nassim. Ouais, ouais, c'est vrai. Attends, ouais. Ce barbier quoi? Ce barbier est détenu par un ami. Ah, le salon. Le salon, oui. Parce que s'il a détenu le barbier, c'est il le tient en otage, malheureusement. Donc, il n'est pas. Il voilà. est détenu. Et ben la Razor Bob, effectivement, c'est un peu une espèce de. C'est une sorte de coupe au bol. Mais à votre avis, qu'est-ce qui a lancé cette coupe? Un mec connu a fait cette coupe. Un truc de pop culture? Pas un mec connu, mais une meuf connue. Ah. Qui a adopté cette coupe? Alors attends. Charlie XX Non. T'as sorti le truc le plus jeune que t'avais. Il y a une très bonne question de Mehdi. Il y en a eu beaucoup, mais là c'est pas... Une américaine a participé un peu au succès de ça, puisque c'était Lily Collins, qui a payé de Emily in Paris. Elle est la fille de Phil Collins. Évidemment. Ça prouve l'âge, ça. Lily Collins, l'héroïne de Emily in Paris. Oui, la fille de Phil Collins, le batteur de Genesis. Une légende, pardon. J'ai dit Molière tout à l'heure, on m'a pas dit. Oh, le jeu, Molière. Quand c'est une légende, c'est intemporel, pardon. Mais il y a une personnalité francophone qui a adopté cette coupe un peu avant elle. Agnès Varda, bien sûr. Alors oui, d'une certaine manière. Mais ce n'est pas elle qui a provoqué ce buzz. Est-ce que c'est une personne qui est dans le vent? Est-ce que c'est Léna Situation? Ce n'est pas Léna Situation. Une influenceuse? Pas une influenceuse. Une actrice? Elle est très suivie sur Instagram, mais elle n'est pas influenceuse, elle n'est pas actrice. Une chanteuse? Elle est chanteuse. Alizée? Pas Alizée. Non, c'est pas ça. Non, Clara Luciani. Pas Clara Luciani. C'est pomme. C'est pas pomme. Coupe aux pommes. Je me suis fait une coupe aux pommes. Oh, je me suis fait une coupe aux pommes. Coupote. Oh, je vais avoir l'air tarte avec ma coupe aux pommes. J'ai eu un pépin. Avant, j'étais trop gnon, puis maintenant. Là, il a enchaîné 3 à la suite. Putain, il nous régale. J'étais golden. Oh là là, mais merde, merde. Je savoure mon cigare. Pas vu pour rien. Le barreau de chaise est à la moitié là. Je suis. Vous avez dit des chanteuses très connues. Vous avez oublié une chanteuse très connue. Ah, je sais, c'est celle Angèle. Angèle qui était au JO. Au JO avec ses petits coups. Le truc avec ses pieds là, c'était fou hein. C'était le silence que j'espérais. Mais oui, elle a repris Kavinsky avec, enfin, elle a repris Night Call avec Kavinsky et Phoenix. Un carré rasé à la tondeuse offre un effet naturel et défoulé. Ah, mais oui, j'ai vu que. Élégant et tendance, différent du carré droit qui peut paraître plus strict. J'ai ce vu type de coupe permet un porté naturel sans effort, presque sorti du lit. Ça, je déteste cette phrase. Presque sorti du lit, non. Non, non. Aucune coupe n'a l'air presque sorti du lit. Oui. À part ta coupe, ma coupe à moi, qui est effectivement sortie du lit. Ou la mienne et celle de Mehdi, mais pour des raisons de aucun cheveu. Malheureusement différentes. Est-ce que quand vous étiez plus jeune, vous essayiez de copier des looks de gens connus? C'est la question que je vous pose. C'est une très bonne question. Ah, merci, ouais, merci. Bah là, puis en plus, là, oui. Ah, bah là, là, les deux, là, là, là, je sais que. C'est The Crow, tu vois, je me suis dit, c'est non, le sentais, mais j'ai pas dans le goût. Là, je sais que j'ai pas. Dans le gothique, j'ai pas. Là, je sais que j'ai deux Kings autour de la table. Il peut y avoir un Jack Sparrow ou un truc. Il peut y avoir un truc. Parce qu'on avait dit. Un Hulk Hogan ou. Non, mais c'est vrai que toi, t'as. Undertaker. Ok, pas The Crow, mais Undertaker. Non, parce qu'on a vu dans le podcast avec. Toi, Flo, d'ailleurs, oui. Qu'on a eu des périodes où on avait des looks. Par exemple, moi, je sais que j'ai une période cow-boy. Mais période cow-boy, pourquoi cow-boy? Parce que tu t'habillais comment? Avec une étoile de shérif sur, sur la veste. Mais moi, je suis encore dans le truc. Moi, j'ai Michael Douglas récemment. Oui, dans Wall Street. Bah, bien sûr, à savoir le petit costard. Mais Mehdi, une petite chemise un peu bouffante là. Et les accessoires, un petit organizer. Mehdi, attends, t'as un organizer là? Oui, ça, je peux adorer ça. Attention, alors, pardon, je fais un autre détour. Cette ordure de JB, telle que vous le voyez, est un Vinti complètement fou. C'est-à-dire que sur Vinted, bah c'est Vinted. Hein. Non, mais ça, un Vinti, on dit des Vinti. Je crois que c'est Vinti le terme, je sais plus. Bref, il est fou de Vinted. Et il a vendu, il a essayé de vendre un organizer, je crois. C'est ça, c'est celui-là. Oui. C'est celui-là où il a mis ressemblant à celui de Michael Douglas. Il met la photo de Michael Douglas avec l'organizer. Et donc il te vend cette merde 60 balles. Non, non, non, non, non. C'était 15 euros. C'était 15 euros. Il n'arrivait pas à le vendre. Il avait pas à le vendre. Similaire à celui de Michael Douglas. J'arrivais à le vendre et après tu rajoutes juste Wall Street. Tu veux juste Wall Street ou pas? Tu l'as vendu à Mehdi apparemment. En plus, je te l'ai donné, Mehdi. Non, tu l'as vendu. Non, j'ai réussi à le vendre. Ah, mais c'est fou ça. Mais quand j'ai mis la photo de Michael Douglas. Mais ça, c'est technique de vente. Tu rajoutes juste des mots-clés. Ah, non, mais bien joué. Le mec se projette. Mais bien sûr. Oh putain, ouais, c'est je vrai. Tu peux mettre Michael Douglas avec ça. Mais on revient à pourquoi les mannequins sur les sites de fringues sont beaux. C'est ça, les salons. On se projette et après on les voit en faire. Les salons de coiffure où il y a Ludacris devant. On sait que Ludacris n'est pas vu dans le salon de coiffure. Mais ça te donne envie. Mais Flo est au courant. Il m'a dit, mais Adrien s'est moqué de nous quand on disait qu'on s'habillait en cowboy et tout. Mais avec les meufs, ça marche. Tu peux me le confirmer, Mehdi? Ah oui, ça marche, monsieur. Ça marche. Ça a marché. Attention, si tu veux t'habiller en cow-boy pour faire des meufs. Parce qu'en fait, quand tu t'habilles, je crois que je serais même triste de me faire une meuf si c'est grâce à une technique qui est déguisée en cow-boy. Quand tu t'habilles en cow-boy, la fille te voit et elle voit quelque chose de manimal. Non, mais elle te voit non, mais dans ce côté far west. Elle voit les village people. C'est vraiment ça qu'elle voit, je pense. Je n'arrive pas. Non, on s'est habillé en marin aussi, en capitaine. Bah, on l'a fait. En Indien. Bah, ça c'est pour donner le. Et en mec avec. C'est ça que j'adore dans les village people. Oh, c'est genre, moi je suis l'Indien, moi je suis le cowboy. Puis il y a un mec, c'est juste, il y a un gars. Je vais m'enfuir. Ouais, toi t'es quoi, bon. Non, donc voilà, on a eu des looks un peu différents comme ça, mais qui nous ont permis de. On aime susciter le fantasme en fait. Non, mais genre, j'entends bien. C'était le nom de votre groupe, les susciteurs de fantasmes. Bien sûr. J'ai une période interne d'hôpital, je vais toujours le médecin. Ah mais à l'époque d'urgence, Georges Clooney, ça aurait pu, tu vois. Il se baladait avec un stéthoscope autour du cou. Non, et ça marcherait, Mehdi. Il a fait la pipe, hein. Oui, j'ai fait le marin avec la pipe, il l'a fait ça. Ouais, mais attends, tu trimbalais avec une pipe. Ouais, ah, excellent, incroyable. Mais, attends, non, c'est chez vous que j'ai entendu un mec qui avait une pipe, non? Ouais, c'est lui. C'est toi? J'avais une pipe. Non, mais là, récemment. Non, c'est pas chez vous. J'ai entendu un truc. Non, mais j'avais qu'il avait une pipe genre vapoteuse un peu quoi. Mais quand on te voit avec une pipe, on se dit ce qu'il y a là, il a lu beaucoup de livres. Voilà. Mais est-ce que c'est pas mieux de lire beaucoup de livres? Non, je vais faire passer par l'étape pipe. Cela dit, c'était aussi la technique de Mehdi d'avoir toujours un livre dans son sac. Ça, c'est super ça. Non, à la main. Ça, c'est à la main, oui. À la main. Ça, c'est classique, ça. Non, mais on a vraiment tout fait à l'époque. Avec une gabardine, et puis tu le mets dans la poche et tu laisses du côté où le titre dépasse. Quoi. Non, mais ce qui est drôle, c'est qu'on a tout fait pour y arriver, et c'était surtout les réseaux qui nous aidaient. Et finalement, vous avez dormi sur le paillasson de votre pote, quoi, surtout. Oui. Pendant que lui, c'est à peine. Mais tu sais, on vient du 93, fallait user des stratagèmes. De stratégie, oui. Pour tu y arriver, pas arriver comme ça, plein de Drancy, non, pas. C'est ça, Drancy. Drancy, ouais. La société de Drancy. Ma mère est née à Drancy, je sais pas. C'est bien, ouais. Mais non. Hôpital du Bois d'Amour. Clinique du Bois d'Amour. C'est la grosse info choc que tu me donnes. Ma mère est née à Drancy. Attends. Pour les auditeurs, bof, mais pour moi, c'est. Elle a vécu là-bas? Pas spécialement. Je sais. Oui. T'es un grand séant, toi, alors. Bah non, non. Si, si, c'est... si, si, dis enfin, oui. Oui, bien sûr. Oui. Bah j'ai le maillot, j'ai le maillot. Bah t'as le maillot maintenant, tu vois. J'ai le maillot TFTC. Mais pour répondre à ta question, alors putain, j'ai. Attends. En gros, j'avais vu à une époque. Là, c'est un dossier que je sors. Oh. Ah. Je crois que c'était dans genre Dance Machine ou Hit Machine. C'était quoi les soirées où. Bah, c'est Hit Machine. Bah, Hit Machine. Ah non, non, les soirées. Oui, tu sais, c'est Dance Machine. La plus grande discothèque volume. Non, c'est Dance Machine. C'est Dance Machine, hein, c'est ouais, Dance Machine. Voilà. Et j'avais vu. Mais un groupe, je suis incapable de dire. Mais juste le mec, sa coupe de cheveux. Il avait des petits picots, vous voyez ou pas? Tu prends les cheveux et tu mets un petit élastique. Ouais, je et vois ça te fait. Ça. Et tu ouais. Vois très bien. Plein de petits picots. C'est un mec de techno, ça, non? Non, non, non. Là, tu confonds peut-être avec le mec de Prodigy, non? Non, non, non, pas lui. Non, non. Mais non, là, c'était un mec, un truc un peu dense, nul à chier. J'ai oublié le. Ça peut me revenir. Le. Oh putain. Crazy Cat. je crois que la chanson, c'était Your Crazy Cat ou un truc comme ça. Écoute, bon bref, et j'avais vu ça et j'avais dit putain stylé ça et je l'avais fait à une soirée. Non. Et ça avait marché ou pas? Bah marché, non bien sûr que non. mais moi j'étais même pas dans ces considérations là. Mais je sais plus, j'étais jeune, j'étais au collège quoi. Mais je l'avais fait et j'ai une photo de cette époque. Ah, je pourrais essayer de la retrouver. Ah ça ferait plaisir. Bah, est-ce que vous avez en souvenir votre pire style vestimentaire en est? Parce que forcément une fois on a eu. C'était le pire la même style. Époque. Regardez-moi. Non mais il y a forcément un truc où Mehdi toi t'as eu un pire. Si Mehdi il avait un t-shirt un jour. J'ai tout tenté. C'était des photos de poupées en porcelaine dessus. Ouais, pardon. Ouais, mais ça marchait en soirée, ça marchait. Ah, en soirée, ça marchait. Oh putain trop mignon ton t-shirt avec tes poupées de porcelaine. Bien sûr. Mais là pour moi vos deux trucs aussi bien le c'est ce que j'allais dire. Aussi bien les cowboys que ça c'est des dames de 60 ans 70 ans qui. Avez... Si je joue au bridge avec les meufs, je n'ose y croire. Je sens que j'avais fait un truc d'idiot à l'époque. J'avais pris une. En fait, j'ai les cheveux bouclés. Ouais. À l'époque, j'avais les cheveux longs bouclés. Et j'ai toujours rêvé d'avoir les cheveux raides. Ouais. C'est un peu comme, je sais pas, un acteur qui a les cheveux raides longs. Kenny Reeves. Kenny Reeves. Putain, j'allais dire ça. Ouais. Et donc, je m'étais dit, je veux lire. Alors, je vais chez le coiffeur comme ça. Je dis, je veux cette coupe de cheveux. Ouais. Et donc elle me fait les cheveux raides là, tu sais, avec le fer à lisser et tout. Alice est la chanteuse. Ouais, et donc je sors et j'ai les cheveux longs jusqu'aux épaules, raides. Et je suis ravi quoi, parce que je me dis putain, un nouveau champ de meufs s'offre à moi. Un nouveau champ de meufs. Et donc voilà. Mais comme je suis un idiot, qu'est-ce que je fais le lendemain? Je me lave les cheveux au shampoing. Tu savais pas. Ah, il faut pas. Et donc je me sèche les cheveux. Et c'est les cheveux bouclés, c'est tout est fini quoi. Et là moi je pensais que c'était à vie les cheveux. Ah oui, bien sûr. Tu crois que c'est ah oui non là. Non, je pensais que c'était... non mais j'étais vraiment. Et donc je vais chez le coiffeur, je fais oh, regardez qu'est-ce qui s'est passé. Il fait bah fallait pas se laver les cheveux monsieur. Oui. Bah enfin qu'est-ce qu'il attendait, fallait bien que tu te laves les cheveux au bout d'un moment. C'est... oui. Bah oui. Mais t'étais à Drancy, t'avais pas de fer à lisser à l'époque. Non mais bah, ça a duré un jour. Mais moi je vais plus chez le coiffeur depuis très longtemps et ça existe encore dans chez le coiffeur les calepins où t'as les vieux américains avec les coupes là, et c'est là-dessus que tu choisis. Moi en tout cas je l'utilise pas, je pense que ça doit exister encore. Je pense. C'est incroyable ça. Mais moi c'était vraiment l'audace d'arriver avec des photos de stars américaines méga beaux gosses. Ouais, j'avais un gros nez, des boutons. J'avais une photo de Beckham un jour. J'ai bien ressemblé à ça, vous pouvez faire ça. Ça le coiffeur il dit bah je suis pas magicien mon pote. Oui en plus après t'es vénère quand tu ressembles pas à Beckham à la fin. C'est ça, mais j'ai eu aussi pas mal de fois le même truc. Moi j'avais les cheveux très frisés, très bouclés. Et des fois ils arrivaient à faire des trucs avec le gel et tout quand ça venait d'être lavé, machin, et fait mouiller. Et pareil quoi, le lendemain c'était c'était terrible. Moi en fait quand il pleuvait, parce que j'avais les cheveux vraiment longs, ça me faisait plat au-dessus, mais bouclé autour, donc ça faisait une espèce de couronne de bouclettes. Et j'avais limite les papillotes de rabbin qui coulaient comme ça autour de ton visage. Un caniche, tout simplement un caniche. Mais moi j'ai un truc un petit peu pot de chasse. Pourquoi est-ce que quand on va chez le coiffeur et que c'est raté à la fin, on a peur de dire que c'est raté? Je vois ce qu'il veut dire. Parce que c'est la personne quoi. Surtout que le mec te dit bien, ça vous plaît. Ouais, ça vous plaît, ça nous plaît pas. Ça vous plaît pas, ouais. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est comme. C'est fait quoi. Oui. C'est comme quand un cuisinier, tu vois, si tu dis à la fin du repas que t'as tout mangé et que tu dis bah non, c'était pas très bon. Bah oui, mais t'as tout mangé. Oui, mais t'as pas envie de payer du coup. Oh bah tu payes. Non, la différence c'est que dans le resto, t'as mangé le plat. T'as dit quoi? J'ai dit, vous allez loin de pas payer quand même. Oui, mais on est raté. Non, mais moi c'est déjà arrivé que je mange un truc, je fais oui, bah c'est pas ouf. Oui, mais tu l'as mangé, mais là la coupe il te l'impose. Oui. Mais non, mais il te l'impose, t'as pas le choix, c'est fait. Donc qu'est-ce que tu veux dire? C'est raté. Ah oui, ah tu veux dire. Ah, genre pas payer toi, tu dirais? Oui. Ah d'accord, moi j'étais pas là-dedans. Mais oui, ça je peux comprendre. On paye pas. Ah, tu payes pas? Tu le feras jamais. Tu le feras jamais, regarde-moi. Je crois jamais. Ah non, mais moi j'ai toujours dit que c'était génial. Alors qu'à l'intérieur j'étais ravagé. En tout cas, moi j'adore être chauve et puis aller chez le coiffeur. Ah, c'est libre. Exactement voilà. Ce que j'allais dire. Mais faut le dire aux garçons, ça, qu'on peut peut-être d'être chauve. C'est génial d'être chauve. Moi j'ai peur. Non, je dis pas que c'est génial d'être chauve. C'est mais, top. Mais vous, payez, en tout cas, ouais. Vous payez combien 30 balles. Moi je vais très peu chez le coiffeur. Par contre, pour ceux qui ont peur d'avoir une calvitie et qui ont peur d'être chauve, je préfère beaucoup plus Mehdi. Chauve, il est beaucoup plus caliente qu'avant avec des cheveux quoi. Ah bah oui, non, ça, donne un, ça peut donner un charisme. Même toi Adrien, j'ai vu des photos récemment où t'avais terrible. Sur la fin, hein, sur la fin avec ma calvasse. Quand tu tenais encore un peu à ce qui te restait, et bah t'es beaucoup mieux maintenant. Bah, je suis d'accord, c'est moi, sublime. Moi, ça t'a perdu 10 ans. Peut-être dire mieux. Peut-être pas quand même, mais. Oui, oui, alors c'est ça qu'il faut dire. Quand tu traces les cheveux, tu peux aussi. Ça peut te rajeunir. Exactement, ça te rajeunit, c'est vrai. En tout cas, ça peut donner un charisme. Ouais. Je vois moi je vois même quand j'ai un tout petit peu de cheveux là et que je me re-rase, et après ma tête, je fais. Ouais, je suis un peu edgy là maintenant. Tu mets combien sur 10 en charisme toi? Oh, un bon 7 quand même. 7 tu crois? Ouais, 7. Ah, 16. C'est pas pareil, c'était 16. C'est pas beaucoup moins, c'est pas beaucoup moins. 7 sur 10 en charisme? Moi je mettrais 7. C'est lui qui dit ça, moi j'ai pas dit. Moi je dis 7, 7, 7, 8 même. Ouais, t'as ce truc. Et alors attention, magnétique. Quand il est devant une caméra, ça monte à 10. Wow. Ah ouais. En sens que c'est pas souvent. Là, à toi parce que ça m'intéresse. T'as dit que j'avais un truc un peu magnétique, t'as dit. Ah t'aimes bien quand on dit des trucs comme ça. Non, mais, c'est écoutez, moi j'aime bien. Non, mais on aime bien tous les compliments quand même. Parfois on te dit un compliment, t'as entendu mais t'as envie que les autres entendent. Tu fais, attends, t'as dit quoi? Répète un peu. Ce que c'est ce qu'il vient de faire. J'ai pas entendu. Alors, mais non, oui mais attends, moi j'assume parfaitement. Non mais en fait je trouve qu'il y a, en fait je pense qu'entre mecs on se pas beaucoup de compliments quoi. Et bah ça c'est très vrai. Non mais je pense que ça s'explique mais du coup moi quand genre par exemple je vais faire un shout out à Patrick Beau. Patrick Beau il me complimente souvent genre sur mes blagues, il me dit oh quel champion et tout. Bah ça me régale, c'est cool d'avoir quelqu'un qui te sauce un peu quoi. Non mais après attention, quand par exemple je fais une blague et que je reçois un haha en texto, c'est un bonheur évidemment, c'est une sorte de compliment, tu vois. Il me dit t'es le meilleur, t'es un champion. Oui, enfin, non d'accord, mais pour te dire que j'aime bien les compliments quand même. Magnétique tu disais. Non mais c'est vrai que si là on faisait un petit tour de table en se donnant des compliments chacun, bon ça nous ferait plaisir tous. On va pas faire ça. Un défaut peut-être. Ah alors j'ai. D'accord, attention. Moi j'ai une note, j'ai des notes sur vous tous. Les prises au sol là que t'as chez toi là, j'y vais. Oui, alors attends, il y a un truc avec les prises au sol. Non mais ils sont venus chez moi récemment avec Léo et j'ai fait installer des prises au sol. Non mais attends, ils veulent me faire des prises. C'est comme dans les bureaux, comme dans les voilà. Et il y a des prises comme ça. Schlack. Et ben voilà. Et t'as pas aimé. Et ben toi t'as bien la tête. Ça pas très joli. Oui, c'est pas, oui, c'est pas très non, joli. Non, mais attendez. Mais... Ah, non, c'est pas très joli. Moi, non, j'ai mais ce que j'ai dit. Oui, mais alors là, peut-être que tu fais. Non, Marc, non, j'allais dire que peut-être que tu fais le ménage, mais en fait, non, je pense pas. Si, si. Pas plus que pas plus que Flo, je pense. Non, mais je voulais mettre mon bureau un peu au milieu de la pièce. Et fallait pas avoir des fils qui pendent partout, oui, donc j'ai sûr, fait installer oui. des prises au sol. Mais toi qui t'y connais en technique, c'est quelque chose de très traditionnel chez les gens. Ah non, mais moi je suis voilà. À fond. Là, non, ils ont pas aimé. Bon. Moi, ce que je lui ai fait cette remarque, je fais le jour où tu rentres ton appart, le mec est condamné à mettre son bureau oui, là où t'as mis les prises. Bah, oui. Non, il y a quand même des prises sur le mur. Oui, mais oui, il y a quand même des prises sur le mur. Il a le choix, il peut la faire se retirer. Exactement. Exactement, ouais. Adrien. Bon, ouais, c'est bon, je te trouve assez magnétique comme gars, toi. Électromagnétique, du coup. J'ai l'impression que les binômes vont changer. Là. Je sens qu'il y a des gens qui se rapprochent. J'ai une dernière question pour vous, après on passera aux recommandations bien culturelles. Sûr. Un enchaînement de circonstances sordides a conduit un homme de 38 ans à consulter les urgences pour des gonflements, des croûtes et des rougeurs sur son pénis. À votre avis, que lui est-il arrivé? Mehdi a fait une moue, genre, c'est évident. C'est une MST, déjà, on peut commencer déjà là-dessus. Eh bien pas du tout. Eh bien pas et du c'est tout. Là, et c'est là où je vous surprends, c'est ce que pensaient les médecins la première fois quand ils ont vu ça, ils ont dit bon ça c'est une petite MST. Mais en fait il lui est arrivé autre chose, il a fait autre chose pour créer cette petite situation. Ah, faire quelque chose. T'as dit sordide. Ça a oui, un rapport non. avec la mort ou pas? Pas la mort. Non, sordide c'est plus terrible pour lui, mais c'est pas y a rien de glauque. Voilà. Y a rien de glauque. Rien de glauque. Tu peux nous rappeler ce qu'il a sur la bite? Bien sûr, je vous fais la petite liste. Des gonflements, des croûtes et des rougeurs. La croûte est sur le gland. Ou... Alors j'ai pas tous les la est-ce croûte que... c'est relou. Est-ce que genre c'est comme sur les pizzas, il déteste ça. Il a pas changé de slip pendant un an. Non, ce n'est pas ça. Mais ça aurait pu être ça. Ça aurait pu être ça. Ça peut être ça. C'est un truc qui peut nous arriver. Ça peut vous arriver. C'est très rare puisque là c'est le premier cas de l'histoire qui est arrivé. Un français? Non, cocorico. Non, mais non, est-ce non, que c'est... lors d'un safari dans une brousse locale, il s'est fait piquer par une araignée au pénis peut-être? Non, mais ça me rappelle, évidemment, comme tout le monde avait une période avec Mehdi, on faisait beaucoup de tu préfères. Et ça me rappelle un tu préfères qu'on avait fait un jour, on était sur le quai du métro. Vous imaginez le cerveau malade de JB qui se souvient des tu préfères et les endroits où il a non, fait mais, les tu préfères? On était sur le quai du métro et je me souviens, il y avait 12 minutes d'attente. Et bon, ouais, on connaît les quais de métro à Paris, de toute façon, il dit, ils sont dégueulasses. Il m'a dit, tu préfères avoir, je sais plus, une telle somme d'argent, ou alors frotter ton gland sur tout le quai de métro pendant tout le temps. Non, attends, pardon. Attends, quel genre pas... tu préfères ça? Ou on dit, tu préfères beaucoup d'argent ou frotter non, ton gland? Non, il y avait un truc, oui, pardon. Oui, il y avait un truc. Tu préfères, non, mais... crois que c'était lécher avec ta langue ou mettre ta bite. Oui, c'est un truc comme ça. Mais traîner son gland sur tout le quai du métro. De la ligne 4. Et dis-là, comment tu fais techniquement? Ah, ça, Sébastien Froissart. T'es obligé de te mettre en gainage. T'as 4 pattes et tu traînes ton gland sur tout le quai. Non, le gland, il peut traîner sans que la main soit utilisée, effectivement. Tu peux avancer. Mais t'es obligé d'être en gainage. Comme un militaire, tu sais, sur les gants. Cette proposition est mise en difficulté médique, il avait du mal à répondre. Ah, tout ce qu'un. Ouais, non, je pense. Quelle que soit l'autre situation, j'aurais choisi l'autre, moi, je pense. C'était lécher avec la langue. Ah, je préfère lécher. Non, c'était pas ça, c'était un autre truc du même acabit. Lécher le quai ou le frotter ton gland, je crois que je préfère lécher. En tout cas, c'est pas ce qu'a fait le mec. Non, il s'est fait piquer par un animal. Oui. Alors, pas du tout. Il est guéri maintenant. Alors, il est guéri. Il a un rapport avec un animal ? Pas d'animal. Qu'est-ce qu'il a pu faire avec ça ? Il lui est arrivé à son pénis quelque chose qui peut arriver ailleurs, mais là c'est la première fois que ça arrive à un pénis. Ah, c'est relou. Un truc qui arrive à plein de gens qui vous est, je pense, sûrement arrivé. Je crois l'avoir. Alors vas-y. Il se la coince dans la braguette ? Non, ce n'est pas ça. Un coup de soleil au pénis. Un coup de soleil, un coup de je t'aime ? Ouais. Non. Alors, un truc qui nous est déjà. Pas JB, parce que lui il se met une couche de d'écran total sur le pénis. Ce bon vieux Meusper. Un lien avec la piscine. Alors non, pas la piscine, mais bien vu, ça aurait pu être ça. Est-ce que c'est un lien avec la circoncision ? Pas la circoncision. Non, parce qu'il a dit que ça nous est arrivé à d'autres endroits du corps potentiellement. Putain, mais là, à l'intérieur du corps même. Ah bon ? Il a mangé un truc. Alors, on s'approche. Il a fait une intoxication alimentaire de la bite. Tout à fait. Ah, quoi ? C'est exactement la bonne réponse. Attends, quoi ? Ah oui, mais oui ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ça n'a aucun sens. Est-ce que vous voulez deviner comment ça s'est passé ou est-ce que je vous raconte un peu cette histoire ? Attends. Je l'ai. Vas-y. En fait, c'était un jeu sexuel où il met la chantilly sur sa bite. Alors non. Ah. Non. Du Nutella. Non, mais c'est pas intoxication alimentaire. C'est une allergie à la bouffe. Non, c'est une intoxication du pénis. Il a mis de la bouffe à l'intérieur de son urètre. Non. Attends, moi j'arrive même pas à comprendre. Il a donné la béquée. La béquée. Une intoxication. On fait l'avion. Bam. Pourquoi il s'est mis de la bouffe dans l'urètre. Il n'a pas. Non, c'est ce que disait JB. Ah oui, c'est ce que tu viens de dire. Non, il n'a pas mis de bouffe dans son. J'arrive pas à comprendre comment. Il a trempé sa bite dans un truc. De la bouffe s'est retrouvée malencontreusement dans son urètre, malheureusement. Après fellation. Hein. Après fellation. Pas de fellation. Il a traîné aux toilettes, il a mis des pattes, dedans il a mis sa bite. Et après, la célèbre technique. American Pie. Non, c'était pas ça, c'est pas ça. Mais attends, donc tu nous informes que de la bouffe est rentrée dans son urètre. D'une certaine manière, mais je vais vous raconter. Attends, non, là on va. Ouais, là on est bien. Parce que c'est ça qui est le plus intéressant. Là on touche à la corde du Floodcast. Est-ce que la bouffe est rentrée dans son urètre par l'extérieur du corps ? Tout à fait. Ok, donc son pénis a été en contact avec de la bouffe. D'une certaine manière, de la bouffe. Ah, il mangeait avec ses. Ah, il s'est vomi sur la bite. Très bonne réponse, Adrien Meignel. Il s'est vomi sur la bite. En ce moment, je raconte des histoires avant de coucher ma fille. Je vais vous la raconter de la même manière. Un premier cas dans la littérature décrivant un tel phénomène. Non, mais là, c'était le centre de clic, la voix que tu fais. Ont ainsi écrit les scientifiques qui ont pris en charge le pauvre homme dans l'étude dédiée à ce cas publiée dans la revue Annals of Medicine and Surgery. Comme le rapporte le New York Post, le patient a d'abord consulté des urologues après avoir souffert de rougeurs et de gonflements inhabituels au niveau de son entrejambe. Comme tu le pensais, toi, Mehdi, les docteurs ont pensé pareil. Ils pensaient à une IST, une infection sexuellement transmissible. Ah, mais c'est pas genre les sucs gastriques qui lui ont cramé la peau. Tu vas comprendre. En fait, après avoir prélevé un échantillon des croûtes formées sur son pénis, les médecins du centre médical ont identifié les bactéries Bacillus cereus. Est-ce que vous savez ce que c'est ? C'est une bactérie qui peut contaminer les légumes, les céréales comme le riz, les pommes de terre ou les épices. C'est une bactérie qui est responsable de ce que les anglo-saxons appellent le fried rice syndrome. Mais oui, il y a un mec qui est mort de ça. Il y a un étudiant qui est mort de ça. Voilà, je fais une petite parenthèse. Vas-y, un étudiant, mais c'est terrifiant parce que du coup tu te dis j'ai frôlé la mort 10 000 fois dans ma vie. Ouais. Il a voulu faire du batch cooking, je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est quand tu prépares à l'avance ta bouffe pour toute la semaine, quoi. Et tu te fais des petits tupperware et tout. Donc le mec, il a fait cuire une grosse casserole de riz et après il a laissé le riz refroidir à l'air libre comme ça. Il s'est fait ses petits tupperware et tout. Il a bouffé, il est mort. Et en fait, c'est parce qu'il y a des bactéries qui se déposent quand tu laisses la bouffe à l'air libre. Ça aurait jamais pu m'arriver parce que j'ai toujours trouvé ça badant, les tupperware au travail. Pourquoi? c'est triste. C'est pas forcément au travail. Non, c'était chez lui, hein, je crois. Non, mais tu sais, les gens, ils vont tous acheter des trucs à l'extérieur et toi, t'es avec ton petit tupperware. Tristoun. Moi, j'aime bien parce que Un peu tristoun. J'adore les tupperware, attention. La contamination intervient pas. J'adore tous les contenants, moi. Tout ce qui est sac, boîte et tout, j'adore. On va se le faire, les. J'ai hâte. Il aime autant les contenants qu'il déteste le racisme. C'est te dire. La contamination intervient particulièrement lorsque le riz est laissé à température ambiante. Le syndrome du riz frit ne provoque donc généralement que des symptômes gastriques. Alors comment ces bactéries se sont retrouvées dans le pénis? C'est bien évidemment, l'homme a rapporté au médecin avoir effectivement consommé du riz potentiellement contaminé et avoir ainsi souffert de nausées et de ballonnements dès le lendemain. Des symptômes qui n'ont visiblement pas empêché de se prêter à des rapports sexuels. Le gars, il a la chiasse, il a machin, mais quand même, il fait l'amour. Ça, et il dégueule pendant l'acte, du coup. Exactement, oh là là. Pendant l'acte charnel, l'homme a alors commencé à souffrir de douleurs gastriques et d'un violent épisode de diarrhée et de vomissement. Un mauvais samedi soir, selon moi. La bactérie a ainsi probablement été transmise au pénis via le vomi du patient sur son propre phallus. Et donc, pour traiter son infection pénienne, le trentenaire a dû être contraint d'appliquer une crème antibiotique sur son pénis 3 fois par jour et de s'abstenir de tout rapport sexuel et de masturbation jusqu'à la guérison complète de son membre, un mois après sa mésaventure, voilà. Il était complètement rétabli. Et tu vois, quand tu disais les proutes, c'est pas beau gosse, peut-être que comparé à ça, peut-être dire que. Non, mais c'est ultra beau gosse. Non, mais qu'on peut donner, ne vomissez pas sur votre bite, voilà. C'est, voilà. Oui. Ce que t'as raconté là, ça m'a rappelé un des meilleurs textos que m'a envoyé Mehdi. D'ailleurs, je sais pas si t'en souviens, mais on devait avoir, je sais pas, 22, 23 ans, on était parti à Disney, on s'était levé hyper tôt pour aller à Disney. Genre 6-7 heures du matin. J'envoie un texto à 6-7 heures du matin à midi en lui disant c'est bon, t'es prêt, etc. Il m'a répondu, c'est impossible de se branler là à cette heure-là. Tu vois même pas ça. Et c'est vrai que quand t'es claqué, tu vois, t'as pas la tête à te branler à 6-7 heures. Est-ce que c'est déjà arrivé de se branler à 6-7 heures du matin? Je crois pas. Qui a déjà fait ça ici? C'est une bonne question que tu poses. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne question. Non, j'allais demander, mais qui a déjà vomi sur sa table autour de la table? Mais non, t'as très bonne question. Non, mais c'est vrai, je pourrais vous demander quel est l'horaire le plus tôt auquel vous êtes branlé dans votre vie. Oh, je sais pas. 7 heures, c'est sûr que oui. 7 heures, 7 heures, oui. 7 heures, tu l'as fait? Ouais. Ah, mais donc tu l'as fait, toi? Je suis un lefto, moi, donc de tout. Pour tu t'es branlé à 7 heures. Le chien veut aller pisser à 6 heures. Bon, bah après, la journée commence à 6 heures du mat, oui. Mais on peut pas se branler à 7 heures, il est trop tôt. Non, moi, c'est genre, je me réveille et hop là. Il est trop tôt. Intéressant. Mais toi, c'est intéressant. Vous nous entraînez dans vos conversations de puceaux du chasse, quoi. Oui, mais d'habitude, c'est hyper classe. D'habitude, on est on nickel. On vient de parler de vomir sur la bite. Vous nous entraînez dans des trucs dégueux là. Pour être tout à fait honnête, c'est une news que j'ai depuis 5 floodcasts où je fais non, mais là, eux, je les connais pas. Et là, je fais bon, là, ça y est, il y a Mehdi et JB. On peut parler de vomir sur la bite. On est entre amis. Non, ça nous arrive parfois d'être politique et sérieux dans le podcast. Bien sûr. Oui. Évidemment. Chers amis, donc c'est la fin de cet épisode. Bientôt, les recommandations culturelles, évidemment, autour de la table. Si vous avez quelque chose que vous avez apprécié, ça peut être un film, une émission télé, du théâtre, un bouquin, peu importe, la musique. En tout cas, quelque chose que vous avez apprécié récemment, pas forcément quelque chose de récent. J'ai envie de commencer par Jean-Baptiste Toussaint de Tales from the Click. Toussman. Eh bien, écoutez, j'ai vu hier soir, j'ai mis du temps à le voir, mais j'ai vu le documentaire sur Steve Martin sur Apple Plus. Ah, et moi, génial. Steve Martin, c'est un humoriste que j'aime beaucoup et un acteur que j'aime bien. Et voilà, c'était très touchant parce qu'il y a une première, c'est en deux épisodes seulement, il y a une première partie qui revient sur sa carrière et la deuxième partie, on le suit dans sa vie aujourd'hui. Et c'est un mec un peu solitaire, un peu introverti, un peu mélancolique, introverti. Ouais. Tu l'as vu, Adrien? Non, mais je pense que ça te plairait. Ouais, mais je pense. Et j'adore cette forme de documentaire. C'est-à-dire que la première partie sur toute sa vie et la deuxième partie sur son quotidien de vieux monsieur, j'ai trouvé la forme géniale. Exactement. Ouais, tu l'as vu aussi? Ouais, j'ai adoré. Okay. Et voilà, j'ai trouvé ça trop bien et ça n'a fait, comme j'ai dit en story, ça n'a fait que renforcer mon admiration pour Steve Martin. Et je trouve ce gars drôle, talentueux et en plus réconfortant. Voilà. Ouais, je vois ce que tu dis. Il avait fait un très bon bouquin aussi où il racontait. Qui est super. Très super livre. Qui est en France aux éditions Capricci. Il y a une blague que j'aime beaucoup de Steve Martin. Je sais pas si je la raconterai bien, mais il dit ouais, j'ai passé une soirée. On a tous fait une blague, un truc raconté. Mais on est devenus les grosses têtes. On est rendus les grosses têtes. Il dit non, j'ai passé une soirée avec une fille. Ça s'est très très bien passé. Elle a vraiment une super chatte de dingue. Donc les gens font et qui disent non mais oh là là les gros pervers, non je parle de son chat, de son animal, c'est un chat que j'adore, qui est super, que j'aime tellement que je l'ai enculé toute la nuit. Ah ouais, d'accord, donc il est dans... Mais en plus, de temps en temps il fait ça. Okay. En plus il a cet art du contre-pied qui est très drôle. Il expliquait dans l'émission de Seinfeld Coffee, merde, Getting Comedian in Cars, ouais, très dur Coffee, ah, je sais pas, c'est dur, ouais. Qui était très drôle. En gros, ce qu'il faisait, c'est que quand il avait un spectacle, il faisait Houston, Washington, il faisait toutes les villes. Et en gros, ce qu'il faisait, c'est que quand il était à Houston, par exemple, il disait comment ça va Washington? Donc personne répond. Il disait bah je comprends pas, ça marchait très bien Washington hier. Ah c'est très bon, drôle, c'est... très très drôle. C'est mieux que les Marx Brothers. Un peu ringard, mais le pyjama. De c'est mieux que le pyjama de l'éléphant. Non mais c'est vrai, c'est vrai. C'était pas si mal en vrai. En vrai, elle était bien. Elle était bien. Mehdi, quelque chose que tu as apprécié récemment? Moi, en ce moment, je regarde une ancienne série sur Netflix que j'avais jamais vue. Dont je sais que j'en ai regardé que la première saison parce que tous ceux qui l'ont vu m'ont toujours tous dit que la deuxième, troisième, c'est pas terrible. C'est Prison Break. Oh, donc, c'est totalement vrai. T'avais jamais vu? J'ai juste vu la première, premier épisode ou deuxième, après je m'étais arrêté. Donc je me suis mis dessus de manière sérieuse. Et j'aime bien le côté série à l'ancienne. Où, 12e épisode. Ah, mais de la saison 1. De la saison 1. Je m'arrêterai à la saison 1, je sais que. Mais non, la saison 2 est bien, vraiment. Ah, la saison 2 Attends, est bien aussi. La cavale, c'est la saison 2. Cavale, c'est la saison 2. Ok, elle est encore un peu ouais, bien. Ouais, elle est bien. La mais saison elle part un peu en couille et après, c'est vraiment de la merde. Ouais, moi, j'ai regardé jusqu'au bout parce que j'étais vraiment un gros fan de Prison Break, mais tu vas te régaler. Il y a combien de saisons 5, je crois, un truc comme ça, 5-6. Tu vas te régaler. Moi, je l'ai pas regardé parce que j'ai pas le temps. Ah ouais. Ah ouais, bien sûr. Alors, pour info, c'est pas générique sur Netflix. Ouais, ça, c'est dommage. C'est dommage, ça, c'est dommage. Tu l'as vu toi? J'ai jamais regardé. T'as jamais regardé? Moi je suis pas très série. Ouais, mais j'ai jamais trop été. Celle-là elle est plutôt sympathique dans le rythme et tout ça. Non, en vrai, la saison 1 elle est folle. La saison souvenir, en tout cas. Je me souviens que la saison 1, j'avais regardé les 7 derniers épisodes d'un coup. J'avais commencé à 18h et je m'étais arrêté vers 6h du matin, un truc comme ça, tellement j'étais pris par le truc. C'est une des rares séries où je me souviens, j'étais dans mon lit ou sur le canapé et j'attrapais un bout de tissu en mode waouh, qu'est-ce que. Tu sais, le suspense était débranlé. Parce que c'est. Mais c'est ce que je disais, c'est les séries à l'ancienne avec les codes à l'ancienne où à la fin de chaque épisode ils te mettent un suspense de dingue pour donner envie de regarder l'épisode d'après. Oui. Bien sûr, qui était sur M6 à l'époque. Qui était sur M6. C'est un des derniers gros souvenirs de séries cultes dont tout le monde parlait quand j'étais au lycée. C'était un truc de tout le monde allait regarder. Moi je pensais comme mes parents m'interdisaient de regarder la télé le soir. Parce que ça passait en semaine et vraiment je sentais que je passais à côté d'un énorme. Honnêtement, on regarde les. Le premier ou les deux premiers épisodes. Non, mais faudrait. Et tu verras si t'accroches ou si t'accroches pas. Et en général, tu vas suivre un peu. Alors, l'écriture, c'est dingue. Moi, j'ai revu, du coup, ça fait peut-être pas longtemps qu'elle est sur Netflix, je sais pas, parce que j'ai revu un reel de Prison Break. Et c'est la scène où il montre ses tatouages. Parce que, expliquer aux gens, il fait exprès de s'emprisonner dans la prison où est emprisonné son frère. Et il a sur le corps tatoué le plan de la prison pour pouvoir s'enfuir. Et en gros, il a une espèce de tatouage sur tout le corps. Et il montre à son frère, regarde mon plan. Et il voit juste des tatouages. Et il fait, regarde mieux. Et après, en surimpression, t'as un plan de la prison qui s'affiche. Ouais. Et vraiment, son tatouage d'origine n'a rien à voir avec le truc qui est en surimpression, quoi. Et ça t'a pas marqué quand tu l'as revu? Parce que je me dis, attends, mais c'était vraiment ça à l'époque. Mais en fait, c'est des tatouages mémotechniques. C'est-à-dire qu'en fait, il a, mettons, une tête de diable, mais la façon dont elle est dessinée. Il y a une sorte d'octogone, donc ça lui permet de. Enfin, ouais, mais justement, mais sauf que. Justement, moi, dans la scène que j'ai vue, il y a rien qui se superpose, quoi. Oui. Tu vois le truc, tu fais, bah, c'est pas du tout ce qu'il a sur le corps, quoi. Comment. Adrien Méniel, tu as un jeu de geek à nous proposer, je crois. Tout à fait. Alors, parce que comme toi, avec le vomi sur le sexe, t'attendais d'avoir les bons invités. Moi, parce que moi, voilà, je me suis dit, Mel Habedia, si je recommande ça, elle va m'insulter. Ouais. Donc je me dis, vous, ça passe, quoi. Un jeu de geekos. C'est un jeu qui s'appelle Mars First Logistics. Assez chiant comme nom. Un jeu vidéo ? Un jeu vidéo, un petit jeu indé. Et en gros, le principe, c'est que on dirige, vous savez, les rovers, les petits véhicules là qui se déplacent sur les planètes. Donc là, c'est sur Mars. Et en gros, le principe, c'est de construire des bases sur Mars. Et nous, on est juste. Et en fait, on a des missions qui sont très simples, qui sont va chercher tel objet et amène-le à tel endroit. Jusque là, bon, très simple et tout. Jusque là, on passe une bonne soirée. Vidéo, ça me tout simple, très bien. Non, et en gros, le principe, c'est ça que j'aime bien, c'est que tu as à ta disposition. Est-ce que vous avez joué, tiens, vous, comme des cadras, un jeu qui s'appelait Robotix à l'époque ou pas du tout? En fait, tous tes jeux là de construction, je détestais ça. Non, mais m'agresse pas. Commander and Conquer et tout ça, les trucs là, je chantais de l'admiration dans ton regard au début, puis là, vraiment de l'agressivité pure, quoi. Non, mais en vrai, ça, c'est un truc que j'aime vraiment, bien. Vraiment, quand j'ai dit que j'adore les Tupperware, j'ai senti la bascule, quoi. C'est fou, quoi. C'est un truc que j'aime bien avec Mehdi, c'est que, tu sais, nous on a un peu les codes du milieu, etc. Mehdi, je l'ai ramené sur le podcast. Lui, il a pas vraiment ces codes là, donc tu sais, parfois on va recevoir des rédacteurs ou des comme ça, et il va balancer des trucs méchants comme ça. Tu sais, il va casser la personne. Je me reconnais là-dedans, ça va bien. Non, c'est des goûts personnels. Je sais que beaucoup prennent leur pied, c'est pas bon, c'est pas sûr, mais il y a aucun problème. Tact. Non mais Robotix, c'était pas un jeu vidéo, hein. C'était un truc un peu comme les Lego Technics, mais plus. Non mais il déteste ça. Peu importe le format, il a une rage folle contre ça. Et bah tu vas adorer ce jeu du coup, parce que c'est un peu le principe, c'est qu'en gros t'as plein de modules et tu les assembles comme tu veux sur ton petit rover pour qu'il soit le plus adapté à l'objet que tu dois déplacer. Donc t'as des pinces, t'as des trucs comme ça, et donc du coup tu dois être un peu créatif, genre pour fabriquer ton véhicule. Pour qu'il soit le plus adapté à la mission de transport d'objets et tout. Donc des fois c'est un truc ultra simple, genre une caisse en bois, mais après ça, t'as genre trois fruits, donc t'es obligé un peu d'appréhender le truc autrement et tout. Et plus t'avances, plus tu débloques des nouveaux modules et tout. C'est un jeu de gestion. Bah pas du tout, hélas. Non, mais c'est un jeu de, je sais pas comment dire, de fabrication de. Mais ça me plaît ton jeu parce que moi je suis très fasciné par ce qui se passe sur Mars avec les rovers, etc. Et il y a un truc que je me dis à chaque fois, c'est très souvent il y a des nouvelles photos de Mars qui nous parviennent et tout le monde s'en bat les couilles en fait. C'est-à-dire qu'en fait on a des photos de Mars qui est quand même une info incroyable. Pour moi ça devrait faire la une des journaux le soir, quoi. C'est une photo de Mars, c'est incroyable. Mais tout le monde s'en fout. Les gens s'en foutent. Ouais, mais parce qu'on t'en a vu une, tu les as toutes vues. Oui, mais c'est quand même incroyable. Ça, on a des photos qui viennent de Mars. Mais fou. Mais ton jeu là, c'est un jeu en fait hyper moderne. C'est sur PS5 ou PS4, je sais plus. C'est sur PC. Moi, c'est un truc en 3D ou c'est vraiment un truc en vue de haut ou des. Non, c'est en 3D. C'est un vrai beau jeu. Oui. Ouais, mais ça. Ah, il est séduit. Non, oui, je suis un peu plus. Non, je pensais que c'était un jeu vue de haut, un peu en 2D. Non. C'est en 3D. En plus, il y a un rendu un peu BD. Genre c'est de la 3D mais rendu un peu BD, c'est assez joli. Non, je revois ce que je dis, ça je peux pas. Ok, c'est bon. Okay. Et il a fait son mea culpa. Et donc c'est ça, et moi j'y joue depuis juin à peu près. Bon, j'ai vu que là il y a des streamers qui s'y mettaient, c'est old pour moi. Et un deuxième, c'est une mini reco, c'est juste que, alors c'est peut-être pas nouveau mais moi je viens de l'apprendre, c'est que ça y est, enfin sur iPhone, sur l'App Store, ils ont autorisé les émulateurs. Et donc on peut rejouer. Ouais, mais c'est toujours une galère au niveau des maniabilités. Alors après, je t'avoue que, cela dit, j'ai joué à NBA Jam tout à l'heure. Ouais. Et bah pas si mal. Sur mon. Tu pourras peut-être essayer de me convaincre après l'émission. Je pourrais. Mais après, si tu t'achètes une petite manette Bluetooth que tu mets dans ton sac et tu. Tu fais ça toi? Ouais, peut-être que j'en ai, ouais. Non, mais par exemple, moi, le gros plaisir que j'ai, c'est que j'adore Mario Golf sur Game Boy. Et du coup, pas un jeu qui demande de la dextérité ou des réflexes et tout. C'est vraiment posé, machin. Et du coup, je me fais des Mario Golf et je me régale. Voilà. Moi, je suis fier parce que j'ai acheté un petit émulateur là. Pas de quoi être fier. Pour l'instant, pas de quoi être fier. Je peux me permettre. C'est la plus grosse fierté de ma vie. Un petit émulateur façon Game Boy. Et j'ai séduit Flo ici. Au début, il était là, genre ça m'intéresse pas. Moi aussi, ça et finalement, séduit. Et Mehdi aussi, il était séduit. J'ai envie de te séduire toi aussi là-dessus. Parce que j'ai été séduit. J'y ai joué, hélas, 5-6 fois. Ouais, mais t'as pris du plaisir. Et terminé. Je suis pas très rétro gaming déjà. Ah ouais. T'adores Game Boy Golf. J'aime bien Mario Golf. Mais c'est bon, rétro gaming. T'es joueur du grenier, arrête. Du coup, acheter un appareil juste pour jouer à Mario, sachant que mon pauvre, j'en ai eu moi des trucs d'émulateurs comme ça. Étonnant, en plus, parfois tu le mets en story. T'as une sorte d'émulateur en story là, une sorte de. On parle du Steam Deck, mais c'est pas. Le Steam Deck. Le Steam Deck, pardon. Tu joues à tes jeux PC actuels avec très ça. Bien. Ça, c'est génial. Mais tu peux effectivement mettre des émulateurs dessus. Mais je vois, maintenant, il y a toute une course à qui sera le meilleur petit truc d'émulateur et tout. J'ai vu. Mais moi, je joue pas assez à des jeux rétro. Ça l'intéresse pas, lui. Ça t'intéresse pas. J'ai eu ma période. Je sais même plus comment ça s'appelait le truc. Côté des jeunes, j'ai P2X. Voilà, pour les jeunes. Côté des jeunes, t'avais quoi, la Mega Drive, la Super Nintendo? T'as tout eu, toi? J'en ai eu pas mal. Non, j'ai eu la NES et après j'ai eu la Super NES, la Mega Drive. Oh là, j'ai eu la Nintendo 64. Un enfant riche. Je me suis fait voler. J'aurais aimé être ton copain à l'école. Pour employer le terme technique, je me suis endormir. C'est-à-dire que je l'ai prêté, le mec me l'a jamais rendu. C'était quel jeu? Non, c'était la console. Ah, la console. Tu prêtais la console. Ouais. Malade à mes yeux. Quelle erreur. C'est terrible. Parce que si je vous dis Nintendo 64, vous me dites Mario. Super Mario. Zelda, GoldenEye. Excuse-moi, je sens que ça a pas eu l'effet que tu voulais. Je m'attendais vraiment à. Non. Ouais, mais... 5 jeux. Un flop. Turok avec les dinosaures. Moi j'adorais Turok, attention. Et il était bien Turok. T'as vraiment kiffé, t'as vraiment connu GoldenEye, tu l'as vraiment savouré comme nous on l'a savouré à la sortie. Comme vous, je sais pas, mais GoldenEye quand il est sorti. Il avait 5 ans, mec. Il est sorti en 97, un truc comme moi, ça. Moi j'étais en. Je pense que j'étais en 3ème. Ouais, au collège. Moi j'ai savouré ce jeu, ça c'était. Ah, moi c'était. On mettait le. GoldenEye 95. On jouait à 4, on mettait le carton pour séparer. Par contre, j'y ai rejoué récemment, c'est immaniable. Ah ouais, mais ça faisait le sel du. J'ai souvenir de mettre debout sur des toilettes, attendre qu'on ouvre et qu'on tire. C'est quelque chose qui m'a parlé quand j'étais jeune. Après, attention, moi, j'ai grandi en Bourgogne. Ce qui fait qu'on avait 5 ans d'écart avec le reste du monde. Le temps que ça arrive chez nous. On avait joué là cet été quand on avait joué. Moi, je jouais à GoldenEye, la PlayStation était déjà sortie. C'est vous dire à quel point j'étais à la ramasse. Okay, oui, d'accord. Sans vouloir faire Calimero et me créer un personnage comme ça. C'est bien tu crées ta mythologie pour moi. Je crée ma mythologie. J'avais les consoles un peu après parce qu'elles étaient moins chères, juste tu vois, où je les récupérais. Ouais. Tu vois. Mais Nintendo 64, c'était Mario et GoldenEye pour moi. Ouais, moi, j'ai jamais joué. J'ai vraiment joué que à GoldenEye. Et j'adorais la manette. Les gens aimaient pas trop la manette de la 64 avec le gros truc au milieu. J'adorais ça. J'avais donné une PlayStation à Mehdi et j'avais plein de jeux gravés à l'époque. Parce qu'il y avait les jeux gravés sur la PS1. Bien sûr. Et j'avais Siphon Fighter en italien. Il jouait à Siphon Fighter en italien. Et du coup, c'était marrant. J'ai appris italien. Qu'est-ce que comment doit l'armée? Comment doit l'armée? Quel mentoso? j'ai même pas le jeu. C'est quoi Siphon Fighter? C'est un jeu où tu dois un peu d'infiltration. D'infiltration. Tu okay, vois, d'accord. Okay, je me rends compte que c'est peut-être le genre de jeu que je déteste le plus au monde. Les jeux d'infiltration. J'ai acheté le jeu. Il adore prendre un flingue et tirer sur. Exactement. Là, j'ai acheté. Détrompe-toi. Détrompe-toi parce qu'il a joué à GTA chez moi il y a pas longtemps. Juste, il se balade avec sa voiture, il renverse même pas les gens. J'adore. J'aime bien rouler dans GTA. Non, mais là, j'ai acheté Star Wars machin, là, le jeu EA Game. Ah, il est bien, Ubisoft. Et bah, trop d'infiltration. Moi, on m'a vendu un GTA de Star Wars, genre, tu peux te balader, faire ce que tu veux. Mais toutes les missions, c'est de l'infiltration. Tu peux pas utiliser ton pistolet. Attends, tu peux pas. Ah ouais, y a pas de truc où tu choisis, en fait, soit t'es un bourrin, soit t'es. Il y en a, oui, et d'autres, non. Il y en a une, vraiment, c'est hilarant. Tu ne peux pas sortir ton pistolet, donc tu fais de l'infiltration, et c'est dur, et c'est chiant. Enfin, moi, je suis mauvais à ça. Et au bout d'un moment, elle dit littéralement c'est bon, je peux sortir mon blaster. Mais il y a aucune raison scénaristique, ça m'énerve. Mais t'as testé Robocop sur PS5? Oh là là, ça, écoutez-moi bien. Le ça, nouveau c'est là, pas chiant, le nouveau là. J'ai Jean-Baptiste Toussaint qui. Alors ça commence très bien où il me dit, je connais un des développeurs du jeu, je peux te le filer gratos. Bon, ça n'est jamais arrivé. Si, je t'ai envoyé un code, mais c'était un code américain. Oui, voilà, donc ça marchait pas. Moi, je l'ai eu gratos, moi. Voilà, ben, ça marchait pas. Je l'achète. J'attends un peu, je me suis pas fait avoir totalement. Je l'achète, quand il passe à 40 balles, parce que personne n'a acheté le jeu. Et là, j'y joue. Et c'est une catastrophe. Non, il est pas si mauvais. Attends, c'est un très mauvais jeu. Le dernier. Il est pas si mauvais. Non, on parle du FPS vu subjectif et tout. Mais il avait l'air bien, non? Oui, il est bien. Catastrophique. Fais-moi confiance, Adrien, il est bien. JB, bah, je l'ai, un moi, tout je petit l'ai. Peu. Ah, tu l'as? Bah, je l'ai eu gratos, moi. Ah, bah, il est bien, non? JB, un tout petit peu de sincérité. Hein? C'est un peu décevant. C'est fun. Oh, allez, arrête. Ah, bah, c'est fun. Moi, j'ai vu des streamers y jouer, je me suis dit, ça a l'air bien. J'ai trouvé ça trop. En fait, le problème, c'est que Robocop, il avance pas vite. Donc, déjà, c'est très lent comme jeu. Mais c'est le principe. C'est Robocop. C'est Robocop. Oui, mais dans un jeu, du coup. Dans un jeu, c'est un peu chiant. C'est peut-être pas le bon film à tu joues à un simulateur de Jeanne Calment, par exemple, peut-être que c'est pas un super jeu, quoi. Attention, ça, attention. À Kickstarter, ça se lance très vite, Adrien. Et surtout, ce que j'adore. Il y a Flotte Boyard déjà. C'est qu'il y a mon JB qui a acheté le pack le plus cher pour avoir la vraie tête de l'acteur de Robocop. Cela dit, souvenez-vous du personnage. Je fais pas un gros baiser de meuf. Hein. Vous en conviendrez. Et souvenez-vous de Robocop. La particularité, c'est qu'on ne voit pas on les trois quarts de son visage. Sauf à un moment crucial. Et voilà. Et donc du coup, voilà, il a dépensé 20 balles de plus pour avoir la tête de l'acteur. Ah, ça m'étonne. Et bien moi, je vais vous conseiller un film, et pas n'importe quel film, un film documentaire sorti sur Netflix qui s'appelle Will and Harper. En gros, c'est ça avec Will Ferrell et Harper Steele. Harper Steele est une femme transgenre qui a connu Will Ferrell à l'époque où elle était encore homme au Saturday Night Live. Et en gros, le documentaire commence sur par lettre. Will Ferrell lit la lettre qu'il a reçue, le mail qu'il a reçu de sa part où elle annonce son changement de genre. Et Will Ferrell est quelqu'un qui est démocrate, qui est assez, enfin tu vois, qui est ouvert sur tout, mais qui n'a aucune connaissance et qui est en gros le mec lambda. Moi, je me suis beaucoup reconnu en lui. Je pense que d'ailleurs c'est un documentaire super intéressant à montrer pour les personnes cis plus que pour les personnes transgenres, je pense, parce qu'il y a un vrai truc de lui, il a genre, je suis pas méchant, mais je dis sûrement de la merde, je suis sûrement de la blague, et je connais pas, tu vois. Et donc, en fait, ce qui est super intéressant, c'est que Harper Steele, à l'époque où elle était homme, elle adorait aller dans des bars de routiers, t'es des trucs un peu vénères, c'était vraiment une globe trotteuse, et elle adorait aller aux States. Et maintenant qu'elle est devenue une femme, et d'autant plus une femme transgenre, elle est un peu angoissée. Elle se dit, bah, en fait, le pays, il est quand même particulièrement dur. Il y a de la transphobie partout. Et elle, en plus, elle adorait vraiment aller dans les gros vieux rades de motards un peu hardcore et tout machin. Et Will Ferrell dit, mais viens, on prend la voiture, on y va ensemble. Et comme ça, moi, je m'éduque, j'apprends un peu plus. En plus, elle a vraiment un discours de t'es mon pote, donc tu peux me poser toutes les questions. Et d'ailleurs, elle est assez brillante, cette personne, parce qu'elle est vraiment en mode, en fait, toi, t'es mon pote, donc pose-moi les questions que tu veux. Mais dans le docu, elle dit, allez pas, dès que vous voyez une personne trans, dire alors comment ça marche et tout, elle dit moi je le fais avec mon pote parce que je le connais depuis 20 ans et que voilà, c'est, je l'autorise à faire ça et voilà. Mais du coup, leur voyage permet d'aborder plein de questions et elle a vachement de recul aussi sur le fait qu'elle dit mais moi j'ai de l'argent, moi mon pote c'est Will Ferrell, etc. Donc oui, c'est pour ça que c'est pas quand même privilégié, enfin c'est elle pas le dit, elle le dit, tu vois, ouais, elle le dit. Et même moi là, je vous conseille le truc, je suis pas une personne transgenre, je le vois vraiment de l'œil d'une personne cis qui du coup permet d'être éduqué via cette histoire d'amitié qui est vraiment tout d'abord une histoire d'amitié. C'est vraiment deux amis, un mec et une meuf qui prennent la bagnole et qui traversent les États-Unis. Et c'est vachement intéressant parce que ça met pas du tout sous le tapis la transphobie de ce pays à certains endroits. À un moment, ils vont dans un resto et en fait, il y a un article qui sort sur Will Ferrell était avec Harper Steele, une femme transgenre, et du coup, sur Twitter, ils te montrent tout le truc de Twitter qui pète un câble de d'où Will Ferrell il traîne avec une trans, etc. Et à côté de ça, Harper Steele, elle était head writer du SNL, donc en plus elle est marrante. Will Ferrell est évidemment très marrant, et c'est pas du tout un truc. C'est très bien fait, quoi. C'est vraiment une histoire d'amitié, c'est beau. Moi j'ai pleuré 2-3 fois, je dois l'admettre. C'est très touchant comme film. C'est aussi très drôle. Toi, je sais que t'adores, JB, les décors américains, donc là c'est vraiment. L'Americana. Et oui, ils ont vraiment un style de vie, ce qu'ils kiffent, c'est ils prennent deux chaises pliantes, ils les foutent sur un parking et ils boivent des bières, quoi. Ils sont vraiment. C'est la vie. Ouais, puis en plus, j'ai vu la bonne annonce que j'ai trouvé très cool, ça m'a donné envie de voir le docu. Et dans la bonne annonce, ce que j'ai aimé, c'est que tu sens cette amitié entre les deux. Et en fait, il y a un truc où Will Ferrell ne se refuse pas des blagues potaches. Et ça, j'ai trouvé ça assez drôle. Et elle non plus, c'est ça qui est marrant. Il y a une vanne à un moment, c'est qui est dans la bonne annonce, où il dit. Donc, il lui pose vraiment des questions sincères, sérieuses, même sur les choses terribles qu'elle a traversées. Parce qu'elle a traversé ce que beaucoup de personnes transgenres ont traversé, à savoir sa vie d'avant, où elle se sentait pas bien dans sa peau d'homme, etc. etc. Et mais à côté de ça, il dit des conneries. Will Ferrell, à un moment, il fait est-ce que maintenant que t'es devenue une femme, tu trouves pas que tu conduis moins bien? Oh oh. Et il le fait exprès, genre je fais une blague de merde. Et elle dit très marrant, très marrant, très marrant. Il y a un petit temps, elle fait mais ouais, je conduis vachement moins bien quand même. Ouais, donc c'est vraiment deux. Voilà, c'est deux. C'est à deux potes qui passent un beau voyage et quand même elle a traversé des trucs très vénères. T'as vu, Mehdi, c'est déjà d'un autre niveau que Prison Break. Mais juste, je veux revenir parce que j'avais pas fini. Moi, Marocco tout à l'heure, c'était juste l'émulateur. Il y en a un qui s'appelle RetroArch. Ouais, j'ai connu ça. RetroArch. J'adore la transition. Ouais, parce que tu m'as parlé sur tes consoles de merde là. Pour Gogo. RetroArch et t'as tout voilà. Après il faut évidemment après télécharger les ROM évidemment que vous possédez de façon légale évidemment mais non c'est illégal les ROM. Non les jeux vidéo bien sûr. C'était une blague que je faisais évidemment tout le monde les télécharge illégalement mais voilà mais t'as raison il m'a eu sous son magnétisme là parce que je le regarde et il a des airs de Stomy Bugsy. Je connais pas le niveau du corps, je sais pas, mais alors, il y a le champ de très loin. Mais tu confies ou pas? Attends, moi je trouve un peu. Non mais c'est vrai qu'il y a des airs de Stomy. Non mais des airs de Stomy. Mais oui. Est-ce que ce serait pas le prince des Lascar? Non, pas à toi, mais t'es un gangster, donc ça doit être le prince des Lascar. Plutôt sous terre. Ouais, voilà. Mais en plus non, mais non mais alors, étant quelqu'un qui reçoit régulièrement des sosies. Qu'on me trouve. Aucun n'est beau. C'est-à-dire qu'en fait. Ah, je me souviens, une des stories pour moi, hein, les plus drôles que t'aies faites, c'était un reel ou une story, je sais plus, c'était sur le loup de Wall Street où quelqu'un t'avait dit tu ressembles. C'était pas DiCaprio, un des vrais, mais en fait c'était le mec chum à côté. Y a un mec, il m'envoie une vidéo, il dit putain, quand même, il y a un air. Je regarde la vidéo et c'est DiCaprio, je fais putain, stylé. Et en fait, je vois le contre-champ, c'est un mec dégueulasse. Ok, c'est bon. C'était drôle ça. En vrai, ouais, putain, je pourrais la retrouver parce que j'ai encore. Elle était bien celle-là. Mais non, et en fait, tu te dis, on trouve des sosies. Bon, ça peut être un mec 30% plus beau que toi ou 30% plus moche que toi. Bon, ouais. C'est toujours les mecs moches qu'on m'envoie. Et donc là, Semi Bugsy, oui, je prends. Oui, parfois c'est les beaux gosses. Non, mais jamais, moi, jamais les beaux gosses. Si, moi. Si. Alors, non. Est-ce que je sais que c'est bientôt la fin de l'émission. Toi, peut-être, mais moi, est-ce qu'on jamais. Peut me donner votre sosie moche et votre sosie beau? J'ai pas de sosie beau. Bah, un sosie moche et un sosie beau, moi. J'ai le gars du Seigneur des Anneaux, enfin du Hobbit. Il y a un Hobbit qui m'ensemble. T'as mais... Olivier de Benoît, quoi. J'ai Olivier de Benoît. Non, t'as Éric Laporte, le joueur de foot. Mais oui, bien sûr. Oui, c'est ton sosie beau. C'est ton sosie beau. Ou Maxence, c'est ton sosie beau aussi. Oui, c'est vrai, Maxence, c'est un peu mon sosie beau également. T'as un sosie beau, toi? Bah, lui, c'est Statham. Bah, non, moi. Stomy, c'est Stomy aujourd'hui. Ou alors, je suis peut-être moi le sosie beau. Non, c'est pas ça. Non, mais Stomy Bugsy, n'importe quoi. Mais non, mon sosie beau, bah, je sais pas. Moi, je me suis jamais posé la question. Toi, tu t'es posé la question. Mais à l'époque, Mehdi, son sosie beau, c'était Stallone. Mais non, oui, tu mettais des chapeaux, t'as perdu le chapeau. Il y avait un petit air de Stallone. C'était son sosie moche. Tu tordais la bouche, sosie moche. Mr Bean. Mr Bean. Ah putain. Et toi, JB? Moi, j'ai vraiment deux écarts. Bah, toi, on a dû te dire Harper dans Stranger Things, non? Ouais. Non? Oui, ça, on me l'a dit souvent, le shérif de Stranger Things. Mais à l'époque, quand j'étais vraiment très mince à Montréal, que j'avais 25-30 kilos de moins à l'époque et tout. Croyez-le ou non, mais mon sosie beau, quand je travaillais au vidéoclub, on l'avait souvent dit, c'était Bradley Cooper. Croyez-le ou non? Bah non, je crois pas. Mais c'est ton sosie beau, donc. C'est mon sosie beau. Ça veut pas dire que t'as la même gueule. Et quoi. Vous allez voir l'écart abyssal. C'est que parfois mon sosie moche, on l'a déjà dit deux fois, Tiki Xavier Olgado. De Maison. Donc il y a vraiment un écart. Oui, mais là, avec je le vois. Bradley Cooper. Bon, alors, arrête. J'ai aimé le Tiki Olgado. Oui, pour non, Xavier de Maison, je le vois. Non, après, quand je dis, on m'a dit Michael Youn, Big BD, il y avait des trucs qui revenaient comme ça. Je les vois tous. Arrête. Michael Youn, je vois ce qu'il veut dire. Arrête. Bon, les amis, c'est la fin de ce flot de cash. Enfin, dernier tour de table. JB, Mehdi, effectivement. Tête incroyable, le pod chiasse également. Donc pour raconter, expliquer un peu vite fait, donc sur TFTC le podcast, vous recevez un invité. Ouais, c'est ça. En fait, il y a TFTC le podcast et il y a des podcasts où on se concentre sur un film et on reçoit plein de types d'invités. Ça va de Boulaya récemment à Reda Kateb, en passant par récemment c'était Reda Kateb. C'est parler ça. De Monstre et Compagnie avec Reda Kateb. Exactement, en passant par Jeff Nichols, Daniel Thompson. Donc en fait, l'idée, ouais, c'est vraiment d'avoir des gens pour parler de cinéma, mais d'horizons vraiment divers et variés. Et, et on est ravis avec Adrien d'être presque pas les parrains, mais on est les premiers. Vous êtes à les avoir premiers fait à TFTC, oui, le podcast. Oui, oui, vous étiez venus là. Très très loin. Dans mon souvenir. C'était loin, l'endroit loin, où on enregistrait là. Oui, c'était assez. On avait pris un pont, on est marché. Et d'ailleurs, Flo, t'es le premier invité à être venu deux fois. Ah, ça fait plaisir. Je suis venu sous l'égide Floodcast et je suis venu sous Floodcast et solo. Donc, ah oui, de TFTC. Parce qu'à chaque fois, c'est un invité différent. Ouais, c'est ça. Et à côté de ça, un jour, on s'est dit pourquoi pas faire un podcast. Attends, je reviens. Il y a eu un épisode, l'invité, c'est le Floodcast, et puis il n'y avait pas moi, quoi. Si, il y a eu l'épisode Floodcast, c'était toi, Jurassic Park. Ah oui, pardon. Et il est revenu, fait tout seul. Il y a eu le roi. Pardon, j'étais sur mon talent. Non, et en fait, un jour, on s'est dit. Non, un jour, on s'est dit pourquoi pas faire un podcast où juste on chie sur des trucs qu'on n'aime pas. Et on s'est passé comme ça. Au début, on était entre nous, puis après, des gens sont venus. Il y a Flo est venu, Léo, Mehdi Maizy, Bat, etc. Et on va sûrement en faire un avec Adrien bientôt, qui a envie de chier. Il a des petites notes. Il a envie de chier, Là, j'ai une douzième du coup. J'ai 12, mais ils sont pas. Il en a 12. Je veux venir avec un banger. Mais voilà, et donc en fait, le truc c'est que. Alors évidemment, on va pas chier sur des trucs comme par exemple, on aime pas la guerre. Non, c'est pas le. Ah, c'est un peu Larry David le podcast, quoi. Oui, voilà. Ça, il adore ça. Oh, ça, il a adoré ah, ça. Ah, j'ai bien aimé. Merci. Et donc voilà, et Mehdi est mon partenaire dans ce podcast. Il apporte un peu un contrepoids différent. Et une expertise aussi, je trouve. Oui, expertise. Mais parfois, c'est technique, parfois. Mais il est professionnel, Mehdi. On parle de beurre de cacahuète. Oui, voilà. Oh, d'ailleurs, oui, ça, moi, je fulminais. Non, mais moi, je fulminais. Moi, je mange du beurre de cacahuète. J'adore ça. J'en ai mangé ce matin même, là. Beurre de cacahuète, confiture. Non, mais parfois, voilà, on se farcit les boulangères. C'est celui où t'étais. Ah, mais c'est où d'ailleurs. Tu m'as cité, d'ailleurs. J'ai dit, Adrien, on consomme, arrêtez. Oui, oui. Parce que la marque ou les trucs de Monoprix ou. Ah non, moi j'ai américaine. Ma marque et attention. Oui, mais attention. Oui, attention, oui. Elle est pas américaine. Non, les gars, voilà. Mais déjà, je sais pas si vous avez vu l'article de Télérama récemment qui disait le pot de chiasse, les héritiers du Floodcast. Je sais pas, vous avez vu. Ah ouais, on a vu ça. Ah, bien sûr. Bien sûr, t'inventes. Oui, j'invente. Ah oui, voilà. Oui, d'accord, bien sûr. Ouais, ça me paraissait. Ils ont eu peur. On était cités comme référence. Donc voilà, et donc on chie sur plein de trucs. Et en fait, en vrai, je pense que c'est un bon podcast pour aller courir, pour rigoler, dans le métro. Mais oui, on rigole beaucoup aussi. Ben mais on passe son temps à chier sur des trucs qui nous énervent. Ben voilà, mais c'est très marrant. Et voilà, n'hésitez pas à écouter ça. Voilà, entre deux podcasts, évidemment. Mais vous pouvez écouter entre deux podcasts. Adrien, la bonne auberge au Grand Rex. Oui. C'est quand déjà? J'ai oublié la date. C'est le 2 novembre au Grand Rex. Eh, ça va être vite là, c'est dans un mois pile là, tel que je te parle. C'est vrai. Et voilà, et puis bah après ça va reprendre la bonne auberge. Alors pas tout de suite d'ailleurs, il y a des gens qui m'ont posé la question. On va faire le dernier épisode et après il va y avoir quand même une petite pause. Bonne période de pause a priori avant qu'on reprenne. Il faut que Lucien il write un peu aussi. C'est writer, c'est créer des univers denses et tout, donc ça prend du temps. Même vos persos, parce que vous créez vous-même vos persos, c'est ça. Oui, mais les persos ça va plutôt vite. D'accord. Toi t'es un perso toi? Bah évidemment que j'ai un perso. Quoi, un gobelin, toi, comme ça? Non, moi je suis un Genasi de feu. C'est quoi un Genasi? En fait, les Genasi, c'est des personnages qui sont basés sur les éléments. Donc tu peux être Genasi d'air, Genasi d'eau, Genasi de feu. Non, mais ne m'interromps pas après m'avoir posé une question, en fait. Je vois que t'en as rien à foutre de mes trucs de nerd, mais bon. Non, c'est ça, mais si t'as un date avec une meuf et que tu lui dis que t'es un Genasi de feu. Comment ça se passe? Ça dépend de la meuf, mon pote. Ça dépend. Tu sais qu'il m'est arrivé, un truc un peu humiliant pour moi, un peu ridicule pour moi et un peu humiliant. Et ça, je sais qu'Adrien, ça va lui parler. Un truc un peu humiliant et ridicule parce que je me suis pris. Je prends le RER et je vois deux personnes avec un t-shirt La Bonne Auberge. Oh. Donc moi, je me dis, ils vont me reconnaître. Zéro pointé, vous m'entendez? Rien du tout. Voilà, une merde. Voilà, donc ça m'a amusé. Moi, c'est l'anecdote aussi où j'ai croisé un mec avec un sweat Floodcast. Donc je lui fais un petit mouvement de tête, quoi. Genre. Et le mec m'a pas calculé. Ça, c'est incroyable. Mais ça. Cela dit, je l'ai posté en story. Et après, le mec m'a répondu. Il a dit putain, c'était moi. Mais en fait, j'ai juste. J'ai mis trop de temps à réagir, quoi. C'est-à-dire qu'il me connaît, mais juste. Donc c'était moins drôle. Non, moi il me connaît pas du tout. Hein. Moi c'est vraiment toi, de La Bonne Auberge qui potentiellement n'écoute même pas le Floodcast. Enfin voilà. Donc, Maizy m'a raconté une super histoire récemment. En gros, il a fait Fort Boyard. Et un des mecs qui bosse sur Fort Boyard est allé le voir en disant putain, mais j'adore ce que tu fais. Donc Mehdi Maizy est là, genre ah, trop cool et tout. Ouais, c'est trop marrant quand tu chies sur des trucs. Et en fait, il pensait que c'était Mehdi. Aïe, aïe, aïe. C'est drôle. Voilà, ça c'était assez marrant, quoi. Un raciste. Donc bon bah écoutez, en tout cas c'est mon obsession par oui contre. Pardon, excuse-moi, j'ai essayé de te voler, moi. Ouais, j'ai essayé de te voler ton obsession, excuse-moi. Bon, en tout cas les gars, merci beaucoup, ça fait super plaisir. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.